Merci Adèle pour nous avoir mis une ambiance sonore. Du coup, j'ai pris un cours de danse pour les enfants. Ah, d'accord. Donc on a un cours de danse gratos après derrière. Donc je disais merci pour les gens qui nous ont aidés à mettre la bâche. C'est très très sympathique. Bah Bruno, comme d'hab. Hein. Donc je répète, on va te faire une statue. On va faire un atelier statue bientôt à EducPop. Donc on va commencer notre atelier. Vous voyez, on a une superbe bâche. Quelle société veut-on ? Donc ça fait depuis le mois d'août en fait qu'on a commencé cet atelier. Le but c'est de faire avec vous, là qui êtes sous la bâche, les gens qui sont de passage, les gens qui viennent, les habitués. Et c'est vrai que l'hip-hop normalement c'est plutôt quelqu'un qui vient faire une intervention pendant 20 minutes et après on pose des questions. Et là en fait c'est nous qui sommes les intervenants. Donc c'est le but de cet atelier. Donc quelle société veut-on ? Pour l'instant, on en a parlé, il y a plein d'idées qui sont sorties, on les a répertoriées, vous pouvez retrouver le tout sur notre site internet, debouteducpop.org. Et donc je vais avoir la délicate tâche de vous lire ce qu'on a fait sur le thème qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est bien vivre avec les autres. Donc c'est la deuxième partie, on a déjà commencé la semaine dernière. Donc je vais vous lire ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors, donc, il y avait un premier point qui était relecture des points abordés sur cet axe lors du premier atelier. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, grosso modo. Donc, c'est travail sur soi encouragé, trouver une place à chacun en partant du principe que c'est à lui de créer sa voie et non pas à l'autre de lui trouver une case dans laquelle s'inscrire. Marcher, donc le marché comme un marché où on achète ses fruits et légumes, comme premier lieu de consommation et d'échange. Quitter le confort individuel pour la responsabilité collective dans les choix de production et de consommation. Économie utile, surtout en cas de crise écologique, sociale, économique. Respect et confiance en autrui, entraide et proximité. Solidarité, prévalence du droit sur la finance. Donc ensuite, sur le travail sur soi, encourager. Accepter les différences, l'opinion des autres, quitte à pouvoir en débattre indéfiniment. Aura-t-on envie d'être égaux une fois que les différences seront considérées comme un enrichissement, point d'interrogation. L'égalité dépend des besoins de chacun et de chacune. Ce n'est pas forcément positif d'être tout ou toutes égaux. L'égalité doit seulement être maintenue au niveau du droit. De quoi a-t-on vraiment besoin? Manger plus sain, savoir faire des sacrifices pour que des choses puissent naître en nous-mêmes, faire du manque un potentiel de création, plutôt que d'accumuler. Laisser mourir les choses en nous pour que d'autres puissent naître. D'accord ? Alors, utiliser les marionnettes. Non. Oui, merci Seb. D'accord. Oui, c'est pas le sujet. Alors, dans la société idéale, il n'y aura pas de skatepark sur la place de République, on l'a bien compris. Voilà. Utiliser les marionnettes et les jeux de rôle pour sortir de sa propre personne et vivre à travers d'autres personnages pour percevoir leurs émotions dans une situation. Ne pas être le pantin des politiciens. La politique c'est nous, la politique est notre outil, les politiciens nos pantins. J'aime bien ça. Améliorer notre façon de communiquer, essayer de se comprendre soi-même pour avoir une meilleure écoute de l'autre et de son propre corps. Percevoir ses émotions, savoir les accueillir et en faire quelque chose plutôt que de les réprimer. Je tourne la page. Au Danemark, cours d'empathie dans le système pédagogique, associer les enfants et les adultes, utiliser les histoires pour échanger sur les cultures. Problème de l'argent qui crée des individualités et de la concurrence, penser la création de pots communs au lieu ou en parallèle des aides sociales de façon locale ou investi dans un projet de solidarité de façon démocratique. Chacun, chacune participe à l'élaboration du projet. Autant financièrement que dans la prise de décision. C'est de l'argent géré en commun pour faire ensemble et faire mieux. Nous appartenons à l'espèce humaine. Entre guillemets, ne te comporte pas avec les autres comme tu n'aimerais pas que les autres se comportent avec toi. En même temps, demander à l'autre d'agir comme soi, c'est refuser les différences. Quand on est en relation avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter de cette personne? Jusqu'où est-on prêt à entendre l'autre, peur de se révéler, d'exprimer ses sentiments et de les savoir non partagés. Honte. être plus souvent dans la rue que chez soi, ouvrir ses portes, transformer les espaces publics en espaces communs de rencontre, de partage et d'échange, changer notre rapport à l'étranger, notion d'hospitalité chez les Grecs, celui qui vient est potentiellement un dieu. Il doit être accueilli et honoré plus que sa propre famille. A-t-on besoin d'avoir peur d'une instance supérieure, comme le divin, pour être accueillant envers l'étranger ? Le lien social est perdu dans les grandes villes, mais pas dans les lieux à identité locale forte, exemple Corse, Catalogne, Bretagne, etc. Prendre en compte l'autre comme non-présence et non pas comme utilité potentielle. Laisser une plus grande place à l'intérêt de l'autre en dehors du profit. Ne pas mettre les étrangers entre eux. Trouver un moyen de gérer les communs et les différences dans un espace partagé. Ensuite, pour travailler sur soi, admettre déjà que l'on est imparfait. Ne pas rechercher un idéal, je me pousse, car celui-ci est d'abord imposé de l'extérieur. Le travail sur soi, ce n'est pas de la randonnée, mais de l'escalade. Très bien. À chaque fois que l'on arrive à un sommet, on a un autre point de vue et on se pose un moment pour l'apprécier avant de repartir. Il suffit que l'être humain se remplisse d'amour pour être heureux, soit apprécier la valeur des choses en changeant sa perception, se décaler. La religion est un niveau inférieur du spirituel. On travaille beaucoup dans cet atelier parce qu'il y a encore deux pages, mais c'est ça qui est cool. Alors, sentiment de solitude. Le bonheur s'épand une fois que l'on a en soi. Une fois que l'on a en soi. D'accord. Ne pas avoir peur de le partager. L'amour, c'est le respect, la liberté et l'honnêteté. C'est ce que tu donnes qui t'enrichit. Dans le métro, dans la rue, le RER, regarder les gens dans les yeux, se sourire, se rencontrer, se parler. Un peu ça, ouais. Tous les matins, qu'est-ce que je fais pour améliorer le quotidien de ceux et celles qui m'entourent, que je croise ? Par rapport à ce que l'on me demande de faire, se poser la question de si j'accepterais de le faire à celui ou à celle que j'aime, à moi-même. Refuser le « c'est comme ça, on ne peut rien changer » est déjà un acte de résistance en soi. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, le bonheur c'est quand vos actes sont en accord avec votre parole. Tu ne connaîtras pas forcément le résultat d'une bonne action, mais si tu ne fais rien, il n'y aura pas de résultat. Très bien. Créer sa propre voie plutôt que de rentrer dans des cases établies. Besoin de sages plus que de guides. Respect du savoir pratique comme complémentaire et équivalent au savoir intellectuel. Impact du virtuel sur l'apprentissage et le métissage culturel. Connaître la richesse qu'il y a dans toutes les autres cultures pour avancer soi-même. Développer son éthique plutôt que d'adhérer à une morale imposée. Il faut savoir où on veut aller pour pouvoir créer son chemin. Il y a des cases préétablies dans lesquelles on essaie de mettre les gens en fonction de leurs compétences ou difficultés dans l'éducation, le travail, la psychologie. Déjà connaître tous les choix existants et avoir la capacité de choisir. Avant, ça se répétait de génération en génération. Aujourd'hui, c'est orienté vers le profit et l'argent. En sortant de son environnement familial, culturel, plutôt que d'orienter dans des choses qui existent déjà, développer d'autres compétences, surtout les domaines que l'on ne connaît pas, et savoir inventer à partir de ses propres désirs, imagination, savoir-faire. Dans l'éducation, le travail, prévoir une troisième voie. Aucun de ces choix ne me correspond, je veux en inventer un. À partir de là, rendre possible des espaces de travail et d'échange en groupe pour construire de nouveaux choix. Pratiquer plus que connaître réellement ce qu'il est possible de faire. Se tromper, échouer, n'existe pas. Chaque expérience est un enrichissement, un tremplin, une nouvelle perspective qui permette de mieux savoir vers où s'oriente notre désir. Faire des portes ouvertes sur des places où chacun vient présenter son métier, ce qu'il aime là-dedans et ce qu'il faut transformer. Qu'on ait quelque chose à faire ensemble, créer une communauté humaine avec des buts à débattre et à poursuivre. Mise en perspective permanente, se retrouver avec des luttes pour plutôt que des luttes contre. Ah oui, se retrouver avec des luttes pour, pardon, plutôt que des luttes contre, pour avoir une prise sur la vie sociale. Ce que l'on a dit a une conséquence sur ce que l'on fait, être maître de son destin. Il faut le vouloir et savoir que c'est possible. Faire sa révolution intérieure et teinter le monde et les autres de cette révolution. Le jeu est pluriel, le nous est singulier. Yes. Circuit court. Donc c'était le dernier thème qu'on avait abordé. Le fait d'acheter directement avec le producteur permet de pouvoir échanger avec lui et de mieux comprendre la culture agroalimentaire. Augmenter le nombre d'AMAP en Île-de-France, voler chez Monoprix Auchan, c'est un acte de résistance. Ok. Généraliser le troc des biens ou de services. Créer des liens autogérés et inviter les gens à comprendre le plaisir que ça fait de manger des œufs de poule frais du matin. Je confirme, pour avoir mangé des œufs frais le matin, c'est quand même un gros kiff. Celle, lieu d'échange d'objets librement, équivalent d'un dépôt-vente en gratuit. Voilà, merci de votre attention. Je crois qu'il y avait d'autres thèmes sur le bien vivre avec les autres. C'est ça. Alors, le prochain point qui était sorti des ateliers, des idées, c'était l'idée de quitter le confort individuel pour la responsabilité collective dans les choix de production et de consommation. Économie utile, surtout en cas de crise écologique, sociale et économique. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un déjà, ce que je viens de dire ou pas ? Alors, je répète, quitter le confort individuel, ça va à peu près, pour la responsabilité collective dans les choix de production et de consommation. Économie utile, surtout en cas de crise écologique, sociale et économique. Moi, ce que je décrypte, c'est en fait ne plus consommer comme on le fait actuellement, c'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui à acheter des choses qui vont pas tenir le coup. Je prends l'exemple, d'un frigo par exemple. Voilà, les achats compulsifs, effectivement, ça peut faire partie. Forcément, il faudra peut-être quitter ce confort un peu qu'on nous vend, c'est-à-dire l'écran plat, le canapé. Et moi, par exemple, alors ce que je peux en partage d'expérience, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui veulent s'installer dans un appartement, par exemple, ou dans une maison pour les plus chanceux. Et en fait, ils veulent tout de suite. Et des fois, c'est un petit peu compliqué d'avoir tout de suite parce que finalement on s'aperçoit que le tout de suite IKEA c'est pas trop cher, mais c'est compliqué, et donc parfois on s'endette. Et non, ce n'est pas moi qui endette les gens, c'est le système, mon cher. Voilà, donc c'est, j'ouvre un peu des portes, si quelqu'un veut rebondir, j'essaie de démocratiser un peu le sujet. Si quelqu'un veut commencer sur le système de consommation, lâchez-vous, hein. Système de distribution, en fait, du coup, c'est tout. Ouais, en fait, moi je pensais à une autre idée, mais pour casser un peu ces chaînes là, justement, dans l'idée j'avais plus le service, mais ça peut être très bien être du bien, même si c'est peut-être plus compliqué. Mais en fait, ça existe déjà, je pense, et je crois qu'il y a des associations qui réunissent des gens pour qui réparent des choses ou des choses comme ça. Je crois que ça se fait déjà, c'est gratuit. Je pense que ce serait quelque chose dans la société idéale. Je pense que ça serait vraiment à multiplier ce genre de truc. En fait, qu'on se rende service bénévolement dans le quartier ou pour un voisin, ça coûte pas grand-chose. Enfin, je me dis, si on fait si on se recense un peu et qu'on se dit qui est capable un peu de faire quoi. Forcément qu'il y aura des gens qui ne sont pas capables de faire grand chose, on peut le dire, voilà. Mais je pense que dans la masse, on peut quand même arriver à attirer quelque chose. Et ça peut, en fait, forcément, ça sera un effort, mais je pense que tout le monde y est gagnant, en fait. C'est vraiment dans le but collectif, en fait. Je pense que collectivement, on est gagnant. Après, forcément, ça peut peut-être demander des efforts individuels de plus, mais voilà. Ouais, c'est-à-dire ce que font des fois, je crois que c'est pas Emmaüs qui fait ça, qui récupère, qui... Ouais, il y a plein d'initiatives comme ça. Moi, ce que j'étais en train de réfléchir, c'est que déjà, si on commence par arrêter de... entre guillemets, de montrer l'image à nos enfants les plus jeunes. En gros, c'est d'avoir, alors c'est un peu caricatural, mais en gros, c'est avoir la grosse bagnole, les chaînes en or qui brillent et tout et compagnie. Déjà, je pense qu'en termes de consommation, déjà, c'est un peu là la base, c'est-à-dire dire qu'il y a des choses beaucoup plus, voilà, qu'on peut avoir une vie super sympa sans avoir la grosse bagnole et le gros écran plat. Moi, je sais pas, j'ai écouté votre rapport parce que j'étais pas là la semaine dernière. Et il y a deux mots qui, en fait, pour moi, sont pas sortis et qui pourtant sont totalement ce qui a été dit. C'est l'éducation à l'environnement et au développement durable et puis l'économie sociale et solidaire. Typiquement, voilà, quand il y a consommer mieux, consommer intelligemment, consommer en circuit court, sortir d'une société du tout tout de suite, bah, c'est typiquement les principes des structures de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, est-ce que tu peux mettre ESS? Ouais, c'est toujours embêtant parce qu'il y a ESS, mais enfin il y a le E devant, donc ça nous sauve. Ouais, bah oui. Mais du coup, je me dis, est-ce que la question, ce serait pas démocratiser, faire connaître, vulgariser, populariser, je sais pas quel est le bon terme, l'économie sociale et solidaire, parce que du coup, c'est très lié aussi aux questions environnementales et au principe agir local, penser global. Voilà. Et il y a des écrits très intéressants qui ont été faits par des étudiants-chercheurs de Rennes sur cette question de l'éducation à l'économie sociale et solidaire. Comment ? Tu m'as dit éducation à l'environnement. Et au développement durable, EEDD. C'est juste parce que je prends le truc en cours. Quand vous, là, vous parlez d'éducation populaire, vous parlez d'éducation des enfants ou en général des adultes aussi ? Alors, en fait, l'éducation populaire, c'est la commission Debout Éducation Populaire. Et donc, on crée des débats sur la place le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Et donc là, on est dans un atelier hebdomadaire. Donc, on est là tous les vendredis soirs. Et cet atelier-là, bah, pour but de répondre à la question qui est écrite en gros là-haut, quelle société veut-on ? Et donc, en fait, on fait ça un petit peu par axe. Et la semaine dernière, on a commencé l'axe, le rapport aux autres. C'est bien vivre avec les autres, en fait. Donc là, il a lu tout à l'heure, Sylvain, le compte-rendu de la semaine dernière, et donc du coup on repart là-dessus. L'idée c'est vraiment de trouver des propositions concrètes pour la société dans laquelle on veut vivre. Donc c'est pour ça que je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit, économie sociale et solidaire, donc c'est quelque chose comme ça qui veut dire peut-être quelque chose pour des gens, mais moi j'aimerais bien savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire comme proposition dans la société qu'on veut, quoi. Qu'est-ce que ce serait typiquement, parce que ça fait partie de tous ces mots comme « Ah, je vais être méchante, mais je vais sortir la flexi-sécurité, c'est de l'autre côté que c'est dedans, mais bon. » Enfin voilà, ces mots-là, finalement, repris du politique en plus, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Comment est-ce qu'on peut, nous, en faire quelque chose? Et peut-être inventer d'autres termes qui, justement, seraient moins repris par le politique. Et juste par rapport à quitter le confort individuel pour la responsabilité collective, c'était aussi l'idée qui était développée dans ce que tu as dit du CR de la semaine dernière, où voilà, bah, quand on a des achats à faire, quand on a des choses voilà, qu'on a envie de développer autour de soi, se poser la question, par exemple, en partant le matin, tiens, bah, par exemple, j'aimerais bien voilà, avoir ça en plus dans ma maison, et je regarde les personnes que je croise dans la journée, et je me dis, mais de quoi est-ce qu'elles ont besoin, elles? Est-ce que vraiment, ce que je veux mettre dans ma maison, c'est plus important que de leur apporter aussi un petit peu de confort aux autres? Enfin, voilà, l'idée, c'est finalement, plus il y aura des gens autour de nous qui seront dans un certain confort, je dirais rien que minimal, plus il pourra y avoir d'échanges, et moins on aura aussi cette espèce de sentiment que il nous faut notre propre confort et notre propre sécurité, parce que sinon ça peut être capté par les autres. Et donc, ce serait fondamentalement très très différent de ce qui se passe maintenant, parce qu'on se dit, plus j'en prends pour moi, comme ça, puis je me protège, en plus je fais des murs, voilà, je crée des grillages autour, personne ne me le prend, et je m'en rajoute. Alors que, si l'idée était inversée, on n'aurait pas besoin de construire des murs, parce que à chaque fois qu'on prendrait quelque chose, et ben ça rebondirait sur les autres, un petit peu. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. C'est vrai que l'ESS, c'est un gros mot qui est super utilisé depuis quelques années, mais la réalité, elle existe depuis les années 90 de l'économie sociale et solidaire. Emmaüs, quand tu vas acheter chez Emmaüs, c'est de l'économie sociale et solidaire. Le principe, c'est d'être dans une structuration qui n'est pas de la consommation pour la consommation, mais qui effectivement a un modèle économique qui permet, un, de répondre à un bien-être social de tous et de remplir une fonction de solidarité. Donc acheter chez Emmaüs, c'est un geste de développement durable parce que c'est recycler, acheter un objet qui est recyclé, qui a appartenu à quelqu'un. C'est une fonction sociale parce qu'on sait qu'ils sont restaurés, retapés par les compagnons. Donc il y a une fonction sociale et puis il y a une fonction solidaire parce qu'en achetant avec Emmaüs, bah, on sait qu'on finance leur communauté, donc on leur donne du travail, c'est social, on finance leur communauté, c'est solidaire et du coup on lutte contre leur précarisation. L'économie sociale et solidaire, les plus grosses structures, c'est les associations. En fait, les associations, elles ne le savent pas, mais de fait, elles sont membres de l'économie sociale et solidaire puisqu'elles répondent à une vocation sociale. Généralement, elles ont une mission d'intérêt si ce n'est général, du moins collectif à un plus ou moins grand échelon. Et puis, elles ont un principe de solidarité, puisqu'elles ne génèrent pas du profit pour du profit, mais elles génèrent du profit pour le réinvestir dans le projet. Donc voilà. Un deuxième exemple, c'est par exemple, tu vas acheter ton thé. Jusqu'ici, il n'y a rien de mal à boire du thé, tout va bien, quoi. On peut dire que c'est pas un produit de luxe, c'est un produit de nécessité, boire son petit thé ou son café le matin. Bah, au lieu d'acheter Lipton, dont la plus grande usine, je rappelle, est sur les territoires colonisés de Cisjordanie et donc d'entretenir la colonisation des territoires palestiniens, bah, t'achètes le thé 1336, qui est une coopérative. 1336 pour 1336 jours, c'est des femmes qui ont fait donc une grève de plus de 4 ans, puisque leur usine éléphant près de Marseille allait fermer. Et donc elles ont fait 4 ans de grève pour lutter contre la fermeture de leur usine, qui a quand même fermé, éléphant ayant délocalisé la production. Et elles ont racheté l'usine et se sont instituées en coopérative. Donc du coup, les bénéfices sont redispatchés entre tous les salariés. Donc pour moi, acheter un T1336, c'est purement un geste d'économie sociale et solidaire. Alors tu peux l'acheter sur internet, il livre gratos à partir de 50€ d'achat. Et tu peux l'acheter alors dans toutes les biocoop, les trucs comme ça, oui. Les marchands commerce équitable aussi. Et certaines grandes surfaces. Mais des grandes surfaces qui ont un petit peu une vocation éco-responsable. Avant que vous parliez de l'association à droite à gauche, Emmaüs et toute l'association. Alors, bonsoir. Moi, j'aime bien toute l'association sous Paris, de l'Armée des Saluts, de Emmaüs et de toute l'association qui sont sous Paris. J'aime bien. Merci. Je dois dire merci parce qu'ils sont aidés. Ils sont aidés. Et tous les jours, ils vont aider à moi. Mais après, excusez-moi, moi, je ne parle pas bien français. Va. Donc, à la fin, je peux expliquer qu'il y a un peu de conneries dans l'association. Même pour l'assistance sociale, même pour tous. Tout ce que tu penses sur l'association, elle a des conneries là, un peu. Ouais. Parce que c'est moi, je n'ai pas là. Elle est mon ami, elle n'est pas là. Et l'autre, ils ne sont pas là. Les pauvres, ils ne sont pas là. L'association va fermer, c'est un capitalisme ça. Ouais. Donc, elle a l'expulsion, et les personnes restent dehors, dorment dans la rue. Donc, elle a la nécessité, le matin, de prendre son douche, de manger, enfin, petit déjeuner, comme ça. Et donc, s'il n'y a pas de personnes pauvres, alors cette association est enfermée là. En plus, je peux dire que Emmaüs, c'est une grande association. Elle a aidé beaucoup de personnes réfugiées. Réfugiés policiers, des politiques, réfugiés de tous les pays, du monde là. Ils sont plus aidés à d'autres personnes que pas à nous. Que nous, vraiment, elle a une grande nécessité. Moi, tous les jours, je demande. Ça fait plus d'un an que je demande, et je n'ai pas trouvé rien. Je n'ai pas trouvé une solution pour moi. J'ai un logement ou quelque chose de concret, vraiment. Donc, après, je pense, qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment avec moi? Ils ont oublié de moi ou quoi? Moi, je vais répondre directement à André, parce que faut savoir, André, il existe aussi que tu peux aller dans un taxi-phone ou dans des associations qui ont Internet chez eux et simplement aller voir principalement en particulier à particulier. Parce que faut savoir que ça va beaucoup plus rapide. particulier à particulier, ça va 10 fois plus rapide que si tu attends en construisant un dossier pour avoir un logement. Il se passe que derrière, oui, tu vas attendre. Mais attends. Et attends, André, attends s'il te plaît. Moi, je veux te dire, je suis comme toi. Je suis dans la même circonstance. D'accord? Il se passe que, pourtant, si je voudrais à ce temps-ci, si je voudrais le faire, je me mettrais dans un endroit avec un toit, des fenêtres, un capital. Un capital qui est acheté à Ikea ou n'importe où. Mais, tu vois, avoir envie de ça, c'est de tout simplement s'enfermer. C'est d'apprendre, de se dire, bon ben voilà, j'ai roulé ma bosse, alors maintenant je me pose. Et le problème que tu comprends pas, toi, André, c'est pas d'aller voir que des assistantes sociales, c'est de ton côté aussi de travailler à avoir ça. C'est de ton côté aller dans un... Tu vois, Ryan, c'est simple. À côté de la mairie du 3e, t'as un point internet. Tu vas là-bas, c'est gratuit. L'impression, c'est 10 centimes. C'est rien. Tu vas, Ryan, derrière, tu vas sur le site Le Bon Coin. Tu tapes, tu regardes, et voilà. Là, tu peux essayer d'avoir un logement au plus vite par un propriétaire direct, et ça ne sera pas une association ou tout simplement l'OPAC ou n'importe quoi qui te mettront dans une cage à poules. Et c'est ça le truc qu'il faut faire. Et moi, je l'ai toujours fait et j'en ai tellement fait que voilà. Oui, alors, juste par contre, on est bien sûr. Quelle société veut-on? J'entends bien. André, moi, je suis le premier. Si tu trouves un toit sur la tête, à être super content. On va malheureusement pas ce soir-là débattre sur la situation d'André. Ça m'embête un petit peu. Moi, je veux parler sans microphone. À parler avec vous. Ouais, mais là, on est vraiment dans un atelier. On parle avec le micro. Si tu es d'accord avec moi, moi, je parle au microphone. Mais sinon, moi, j'ai ouais. Un problème. J'ai 4 mois en France. Oui, d'accord. 4 mois en France. Oui. Je travaille 3 jours dans un restaurant. Oui. Oui. J'ai 30 heures de travail. D'accord. Et le jour de paye, il m'a dit que viens demain, tu t'es payé. Je trouve la police qui m'a menotté. Et que dans sont ses amis. D'accord. Ok. Et maintenant, je travaille 3 mois. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de contrat. Et le patron, il a volé beaucoup d'argent. C'est pourquoi ça? Moi, je peux pas te répondre. Moi, je parle de ça. Mais j'entends bien. Ah oui. Mais encore une fois, là, on est. Pas besoin de dormir, pas besoin de. C'est, ok. C'est la, les gens, il faut parler des syndicats, des fois. Ouais, ok. Alors, attends. Je vais repasser le micro, du coup. Non mais du coup c'était sur un autre sujet en fait, enfin c'est dans le sujet mais par rapport à la consommation, enfin comme t'as dit, comme disait Sylvain en fait, qu'on veut avoir de la marque et des choses comme ça, et du coup en fait ça me fait penser, que je sais pas si on a déjà parlé dans les ateliers, mais ça me fait penser à la pub tout simplement, et du coup je pense que enfin il faudra vraiment que la pub ait une autre place, voire pas de place du tout. Enfin voilà, c'est bête, hein, mais je pense que c'est des petits trucs comme ça qui fait que au fur et à mesure, si déjà il y avait zéro pub dans la rue, zéro pub dans le métro, zéro pub, déjà ça aiderait peut-être à enlever ces images là, et aussi, mais ça c'est un autre travail du coup, aussi dans les médias ou enfin. En fait, on le pratique, on l'a pratiqué, ou je sais pas, mais il y a une espèce de reconnaissance au matériel, tout ça. Et la télé, vraiment, on profite vraiment là-dessus, par exemple. Donc, joue vraiment là-dessus. Donc ça sera vraiment un truc à arrêter. Mais bon, demander à la télé d'arrêter de faire ça, voilà, pourquoi pas. Voilà. Mais je te rappelle que on est dans la société idéale. Donc dans la société idéale, on prend le contrôle de la télé. Et du coup, dans la société idéale, il n'y a pas les pubs de déodorants avec des madames à moitié toutes nues et des, voilà, des pubs Kinder avec des acteurs de tennis qui jouent très très mal dedans, par exemple. Ouais, la pub carrément. On a nos. On fait un petit coucou à nos petits copains d'anti-pub à Nuit Debout qui font des choses bien marrantes sur la place et qui détournent justement ces publicités. Après, il y a plein d'initiatives. Moi, on m'a parlé d'initiatives en fait de personnes. D'ailleurs, c'est des copains de Nuit Debout en fait qui vivent dans un appartement et en fait tout ce qu'ils ont dedans, c'est des choses. En fait, c'est des choses en dur. C'est pas des. En fait, ils ont quasiment zéro déchet. Mais ils ont zéro déchet, mais même dans au niveau du mobilier, de salle de bain, de cuisine, etc. Et alors une fois par an, ils s'achètent un truc ou du matériel pour fabriquer ce qu'ils ont besoin. Et en fait, du coup, ils sont complètement hors de ce système où, ce que je disais un peu tout à l'heure, on construit des trucs, mais qui au bout de très très rapidement sont tombés en panne ou se cassent. Et du coup, eux, ils n'ont pas ce problème-là parce que ils font un peu des choses à l'ancienne. Je ne sais pas si vous avez les anciens qui vont vous dire tout le temps « Ah oui, mais avant, c'était mieux. On faisait des trucs qui duraient 10 ans, 20 ans. La cuisinière, le machin, pendant 30 ans, on pouvait avoir la même cuisinière. Et maintenant, la durée de vie, elle est quand même divisée par 3, malheureusement. » Et il y a plein d'initiatives qui se font comme ça, qui sont très intéressantes. Il y a également tout ce qui est déchets. Bon, là, on fait le tri, mais au fur et à mesure, même au niveau de nos ordures, etc., il y a plein de choses, le compost à faire notamment. Et en fait, ce qu'on jette, le recycler, quoi. Mais sauf Covid, ce qu'on fait actuellement, le développer, le faire au niveau mondial. Il y a un truc qu'on a parlé beaucoup, c'est dans le documentaire Demain, un peu la base, et ils en parlent du recyclage des déchets, dans je ne sais plus quelle ville. Et limite, les éboueurs, en fait, du coup, sont fiers du boulot qu'ils font parce qu'ils ont plus cette image de travailler, entre guillemets, les mains dans la merde, mais de faire vraiment quelque chose d'utile. Et ils font du compost qui est distribué aux paysans et aux agriculteurs qui sont soit dans la ville même ou soit en périphérie. Et c'est vrai que ça, c'est des initiatives qui existent aujourd'hui et qui, je pense, faut développer. Et dans la société toujours idéale, on est toujours un peu dans l'utopisme. Je pense que, justement, l'entraide, etc., le partage, enfin, tout ce qu'on a dit auparavant peut aussi aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, si vous savez pas faire des choses, il y a quelqu'un qui peut vous aider à monter une salle de bain que vous pouvez regarder 15 ans, 20 ans, telle quelle. Et vraiment sortir, et tu l'as dit avec la pub, en fait, de tous ces dictats et de toutes ces cases. Et encore une fois, j'insiste, si aujourd'hui, dans notre société idéale, comme on veut la construire, les gens se parlent, vont dans la rue, vont sur les places, déjà la télé, elle aura une place beaucoup moins importante, voire plus du tout de place, finalement, puisque l'information peut passer à travers les places. Et on avait des crieurs publics à une certaine époque, pourquoi pas refaire ça. La culture, on peut les faire sur les places, que ce soit du théâtre, que ce soit de la musique, c'est pareil. Donc du coup, moi, dans la société idéale, je vois plus trop la place de la télé. Donc du coup, ça serait déjà quelque chose en moins. Arte pour TV. Ah ouais, c'est vrai. Bon, on garderait Arte alors. On sociabilise Arte. Arte pour tous. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres idées comme ça ou d'autres expériences que vous connaissez, Adèle. Alors moi, par rapport aux points qui ont été dit, j'avais des petits trucs. Oui, par rapport à la question des associations, je trouve que ce qu'a dit, il est parti, c'est pas grave, était très intéressant. Il disait que les associations, d'accord, mais en même temps, il y a aussi des choses qui sont un peu louches qui se passent. Moi, c'est pas dans ce sens-là que je vais rebondir, mais plutôt dans du fait que à partir du moment où il y a une association, ça creuse encore le clivage entre ceux qui profitent de l'association et ceux qui donnent. C'est-à-dire, hop, la personne, en fait, ils se rencontrent pas, les deux. C'est ça qui me gêne. Alors que si, justement, comme le proposait Sylvain aussi, les gens vont dans la rue, on peut se dire, par exemple, voilà, il y a un espace public, eh bien, jour de rencontre, sur, aujourd'hui, allez, on se fait une rencontre mobilier, quoi. Hop, il y a des gens qui vont ramener des mobiliers, un petit peu comme les vides-greniers. Mais sauf que là, ce serait gratuit, ce serait de l'échange. Et les personnes qui n'ont plus besoin des choses qu'elles avaient chez elles ou parce qu'elles ont construit quelque chose d'autre et qu'il leur reste un truc et donc elles l'amènent. Et puis elles peuvent trouver à ce moment-là quelqu'un qui a construit autre chose ou ça peut aussi être le moment de rencontrer quelqu'un qui a besoin d'aide pour construire sa salle de bain, mais par contre il peut aider à construire une table. Enfin voilà, ce serait à la fois un lieu d'échange de compétences et un lieu aussi d'échange de biens. Donc, en fait, le souci pour moi dans l'association, et là où il disait ça entretient le capitalisme, je ne sais pas si ça entretient le capitalisme, certainement d'un côté, mais en tout cas c'est sûr que ça entretient les clivages. Et alors l'autre point où ça revient sur ce qu'on avait dit aussi la semaine dernière, que pour que ça puisse fonctionner, par exemple sur les places publiques, qu'il y ait des échanges comme ça, il faut vraiment que les... On avait posé la question plusieurs fois, de quoi a-t-on vraiment besoin ? Et ce qui me semble fondamental, mais alors là, c'est pas du tout qu'au niveau des biens, c'est d'apprendre à s'auto-limiter. Savoir... Mais s'auto-limiter, c'est aussi bien... On l'a vécu aussi ici. S'auto-limiter dans la prise de parole, s'auto-limiter dans les travaux qu'on entreprend, mais aussi s'auto-limiter par rapport à son confort. De quoi est-ce qu'on a vraiment besoin ? Et ça, c'est pas pour dire faire une obligation, tout le monde a ses besoins-là de base et personne ne dépasse, qui serait un petit peu du communisme. Bon, j'exagère, enfin, c'est un peu gros dit comme ça. Mais chacun peut avoir des besoins différents à condition qu'il s'auto-limite. Voilà, c'est plus ça. De réussir à combler ses besoins, en tout cas, ne fasse pas que pour les autres. Ils ne puissent pas combler les leurs. Enfin voilà, c'était aussi dans cet aspect-là. Voilà. Ben voilà, c'est pas ce que je voulais dire. Ok. Sur ce point-là, est-ce que vous avez d'autres. En fait, ça fait juste penser qu'en fait la question humaine doit être mise au premier plan à chaque fois. En fait, c'est sous ça. En fait, moi, ce que disait Adèle, ça me fait penser en fait au sel et au réseau réciproque d'échange de savoir, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en fait l'outil il existe, mais il est pas vulgarisé ? Et comment, du coup, on l'élargit et on le vulgarise ? Parce que l'échange de compétences, c'est le principe des réseaux réciproques d'échange de savoir. Et tu as aussi le principe des SEL, les systèmes d'échange locaux, qui fonctionnent comme ça. Et du coup, comment on fait pour les amplifier ? Enfin, par exemple, un SEL, il y en a un qui fonctionne quand même relativement bien sur Cergy. Alors, je vais t'apporter une réponse qui ne sera pas une réponse. Mais en fait, c'est que là, pour l'instant, on est en début d'atelier, on est plus sur les propositions, et après, on sera plus dans une phase de quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour. Donc, c'est très bien. Comme c'est enregistré, ce que tu viens de dire, on va s'en rappeler et on le ressortira, et on ira voir. Tu nous dis du côté de Cergy, c'est ça ? Il y a des choses qui sont faites ? D'accord. Les SEL, les réseaux réciproques d'échange de savoir, tout ça contribue à la famille de l'économie sociale et solidaire. Et du coup, oui, effectivement, peut-être que le levier par rapport à ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, c'est mince en fait. Comment les gens ils s'en saisissent ? Parce que ça existe, mais pour l'instant, faut pas se leurrer. Hein. Un SEL, c'est un truc de bobo et c'est pas péjoratif dans ma bouche. Hein. Moi-même, je suis bobo et je le vis très bien. Pas de souci avec Duke Pop, on a. Tout le monde est sous la bâche. Juste comme ça, en 30 secondes, si tu connais peut-être des contacts là-bas, parle des Duke Pop qui viennent nous voir et qui parlent de ce qu'ils disent, si c'est possible. Hein, je... D'accord, bon, s'ils ont une page. Ok. Bon, note pour plus tard. Mais ça peut être très intéressant. Donc voilà, après les moyens, ouais, ça va être encore de... L'atelier risque de durer assez longtemps, en fait, on le dit à chaque fois, parce que avec tout ce qui sort, en fait, après les moyens, ça on va se creuser la tête pour le faire. Mais souvent, et moi j'en démords pas, c'est une sorte d'éducation populaire, mais depuis le... Alors peut-être pas le premier âge, mais en tout cas depuis à partir de très très jeune, on va dire. Et pour les adultes, c'est complètement, il faut complètement repenser différemment à ce qu'on pense aujourd'hui. Moi, c'est assez rigolo parce qu'en fait, quand en tant que trentenaire, entre guillemets, j'ai un peu plus de recul et quand je discute avec nos parents et que ce soit les parents des amis, etc., et ils sont arrivés à un point, ils disent « Ah ouais, effectivement, vous avez peut-être un peu trop donné de choses, quoi. » Et c'est assez rigolo, en fait, ce retour, et ils s'aperçoivent que finalement, bah, eux, ils ont manqué de plein de choses étant gamins, donc du coup, ils voulaient pas que leurs enfants manquent de choses. Et du coup, maintenant, ils se rendent compte que finalement, alors c'est pas qu'ils regrettent, mais en fait, ils voient les conséquences que ça a sur les personnes qui ont des enfants et qui reproduisent exactement le même modèle. Et c'est là où c'est assez difficile, c'est que maintenant, il y a beaucoup d'enfants qu'on a tendance un peu à pourrir. Ou par exemple, je pense que vous avez tous des petits cousins, des petites nièces qui, dès qu'elles prennent votre téléphone portable, savent déjà slider sur le téléphone et faire les démarches. Et c'est vrai que en tout cas, c'est un petit peu dommage et ça montre effectivement la marche assez importante qu'il va falloir gravir pour essayer de désacraliser tout ça et dire que y a autre chose qui est possible. Et ça, effectivement, ça repasse par l'éducation. Dans le thème, donc il y avait économie utile, surtout en cas de crise écologique, sociale, économique. Bah oui, forcément, tout ça, la crise économique, elle n'existera plus, quoi, parce qu'il n'y aura plus de bourse, il n'y aura plus rien. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on a fait le tour de ce point, ou est-ce que vous avez d'autres propositions, quitter le confort individuel? Déjà, moi j'ai envie de dire le confort individuel, qu'est-ce que c'est, quoi? Faudrait le redéfinir. Après, moi, le confort, c'est ce qu'on a là, une bâche, c'est déjà un confort. Vous voyez, je trouve. Ah, j'en étais sûr. Le confort individuel, c'est purement le produit du capitalisme. C'est-à-dire, t'achètes... je vais prendre un exemple typique. Tu vas dans un magasin et t'as un budget de 50 euros. Et tu vois que toutes les fringues sont à 60, 70, 80, 100, 200 euros. Et plus tu montes les étages, plus c'est cher. Et quand tu vas au dernier étage, tu vois des trucs à 3000 euros. Tu dis, oh, c'est complètement fou. Et là, tu redescends. Finalement, tu dis, ah ouais, mais 100 euros, en fait, c'était pas cher. Et donc là, tu achètes le truc à 100 euros. Donc, l'idée du confort individuel, c'est qu'à chaque fois, c'est un peu plus. Un peu plus, parce que plus, ce serait mieux. Et plus, il en faut encore plus. Donc, c'est-à-dire, du coup, t'es content, tu viens d'avoir une vraie télé. T'avais pas de télé avant. Ouais, mais l'autre, il a l'écran plasma. Ah bah du coup, derrière. Enfin voilà. J'ai dû prendre l'exemple des fringues. Je pourrais prendre des milliers d'exemples comme ça. Mais c'est ça, cette espèce de donc qui rentre aussi avec la compétition envers les autres, bien sûr. C'est pour ça que c'est pas que confort. C'est confort individuel. Si c'était le confort social, ce serait une autre question. Mais le problème du confort individuel, c'est de se dire, moi. J'ai ça, c'est que à moi, donc ça prend aussi la question de la propriété, c'est que à moi, et en plus, l'autre il a pas. Donc il y a une espèce de contentement comme ça d'avoir de plus que l'autre. Donc voilà, là où c'est totalement opposé avec la responsabilité collective, parce que est-ce qu'il faut que je développe ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, peut-être pas. Parce que dans responsabilité déjà, c'est que ce que tu fais à tes achats, donc voilà, c'est en fonction de tes besoins. Et collectif, c'est en fonction des besoins de la collectivité. Donc forcément, c'est archi à l'inverse du confort individuel. Et non, je voulais juste dire par rapport à ce que tu as dit, je me suis dit, peut-être que ce qui... Tu parlais des enfants, je me disais peut-être qu'il serait très intéressant, notamment quand on cherchait des... Comment apprendre à s'auto-limiter, par exemple, eh bien apprendre dès le plus jeune âge le goût de l'effort. C'est-à-dire, le goût de l'effort, c'est pas dans le sens où bosse pendant 10 heures la journée, je vais te donner 10 euros. Non, c'est pas ça le goût de l'effort. Le goût de l'effort, c'est... D'ailleurs, on le voit, c'est très, très drôle quand des enfants, ils jouent, tu leur donnes des Playmobil, des trucs. Des fois, ils vont prendre un bout de papier, ils vont faire quelque chose avec, ils vont dessiner dessus. Ils vont créer quelque chose et là, ils seront fiers parce que c'est eux qui l'ont créé. Et c'est ça le goût de l'effort. Et donc, du coup, là-dedans, t'apprends non seulement à te connaître en créant des choses. Tu sens de quelle façon t'es limité parce que le matériel est limité. Mais tu prends pas des choses déjà données de l'extérieur pour les assimiler, et c'est déjà un aspect normatif, quoi. Et là, du coup, les matériels que tu as à disposition, tu crées de nouvelles choses. Et pour moi, ça, c'est vraiment fondamental aussi derrière pour tout ce qu'on avait dit sur pouvoir faire ses propres choix de travail, etc. Enfin, ça passe par là. Ouais, effectivement, on m'a posé la question récemment de savoir pourquoi pas un peu plus de confort dans ma vie des personnes qui... la question se pose du confort. Qu'est-ce que le confort ? Selon les époques, on n'avait pas du tout la même définition. Et en général, quand on est dans la misère, on se conditionne. On se conditionne à peu, on se conditionne à pas grand-chose. Et moi, j'ai le sentiment que pour certains, le confort, c'est une belle peinture, un tableau acheté à je ne sais quel prix. Sans ça, il n'y a pas de confort. Qu'il y a, selon le parcours, l'expérience et la publicité aussi, qui conditionne le regard sur le confort, il y a une vision du confort qui est complètement différente. Et à mes yeux, selon les époques, selon les... Le confort aujourd'hui, c'est d'avoir une voiture, mais quand les voitures n'existaient pas, on était ailleurs, quoi. Donc je pense qu'effectivement, il y a une vraie question à savoir quel confort veut-on et est-ce que c'est adapté à nous. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est vrai que finalement... allez, quand on parle de richesse entre guillemets, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais on a un petit peu là. Finalement, il y a des gens qui ont plein de choses, parce que leurs parents, voilà, ont une situation, etc. Et très honnêtement, c'est pas pour ça qu'ils sont les plus heureux. Et si je prends un exemple tout bête, c'est ici depuis Nuit Debout. Voilà, on a eu des moments super riches. On s'en est pas bien rendu compte parce qu'il y a des moments on était peut-être un peu fatigué, on avait la tête un petit peu dans le CEUL. Mais du coup, voilà, ces moments-là de partage. Moi, j'ai jamais autant parlé avec des sans-abri, des sans-papiers, avec des gens de différentes professions. Et on le dit beaucoup, hein, c'est de la répète. Mais en fait, on a réussi à, et on le fait encore là un peu ce soir, et on va continuer à le faire, je n'ai aucun doute là-dessus, mais voilà. Et ça, c'est une espèce de richesse, et c'est aussi un espèce de confort, parce que je pense que tous ici, là, qui sommes à Nuit Debout depuis un certain temps, ou même de passage à Educ Pop, etc., ben, on regarde moins la télé, voilà, et on apprend encore plus de choses, et on s'enrichit mutuellement, et franchement... Même mon compte en banque, il est content parce qu'il y a moins de sous qui sort. Donc c'est tout con, mais voilà. Et c'est un peu une zone de confort pour nous. Et c'est assez marrant finalement. Je fais des économies avec Nuit Debout, mais je vous assure, hein, c'est un truc de fou. Mais tant mieux. Et tu t'occupes autrement. Et voilà, on s'est réapproprié une sorte de confort en fait. Je trouve. Hein. Après, je suis peut-être un peu dans la caricature et dans l'utopisme, mais c'est un peu l'atelier aussi. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'en fait, le confort, c'est une zone de bien-être. Par rapport à ce qu'a dit Adèle, c'est que la société qu'on nous propose, c'est que le bien-être passe par la possession d'objets. Et là, tu nous parles d'un bien-être qui passe par l'échange et la communication. C'est bien l'idée de la Nuit Debout et c'est ce qu'on essaierait de faire passer aux autres, quoi. Nuit Debout partout. Même dans les maisons et les immeubles. Voilà. Donc je sais pas si quelqu'un voulait réagir sur cette notion de confort ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu du point. N'hésitez pas, même les gens qui sont debout, qui nous regardent. Ah, merci. Oui, moi je veux réagir, mais j'ai pas très bien compris la notion de confort. Dans quel contexte vous parlez de ça, de la société dans laquelle on vit en général? Idéal, en fait. Pour toi, la société idéale, une société utopique? Ouais, idéal. Ce qui te conviendrait le mieux, en fait, pour toi. En fait, ce qui conviendrait le mieux, c'est qu'on arrive à retaper en fait le communisme, mais d'une autre façon, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait des gens qui détiennent 1%, 99% des richesses de la planète et qui sont 1% de la minorité en fait. Donc il faut absolument qu'on arrive à se réapproprier ces moyens financiers et matériels pour qu'on puisse rééquilibrer les choses et donner à tout le monde de quoi satisfaire ses besoins naturels. C'est, pour moi, c'est aussi simple que ça. Merci. Effectivement, c'est un grand chantier de faire ça. Mais... mais nous, les 99%, on est quand même beaucoup plus nombreux. Hein. Mais voilà. Du coup, quelqu'un rebondir ou on passe au prochain point ? Adèle. Non mais c'est juste que comme il vient de lancer un chantier énorme, je trouve ça dommage de le laisser là-dessus. La question de se réapproprier les moyens de production, enfin, waouh ! Attention, attention, donc je suis en train d'essayer d'étirer mon esprit pour qu'il sorte quelque chose, mais il a un peu de mal. Non, simplement, du coup, comme ça, pour lancer une piste, en fait, quand je suis en train de parler, je suis en train d'essayer de la trouver en même temps, mais elle ne va pas tarder à venir, ce serait... Si, donc on avait déjà parlé du droit de propriété hein, dans un premier atelier où on avait défendu d'ailleurs l'idée que finalement ce droit de propriété, il n'a pas forcément de raison d'être dans la société idéale. Par contre, ça pose la question du partage, pas forcément, déjà avant les richesses, venons vraiment à la base de la base, le partage de l'espace. Imaginons, voilà, donc dans notre société idéale, il y a un espace en commun, comme ici, comment est-ce qu'on fait pour le partager ? Est-ce que c'est tout le monde a un bout d'espace équivalent ? Ou est-ce que c'est... Il y en a qui demandent un espace plus grand que d'autres, par exemple. Est-ce que quelqu'un régule ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire, bon, qui veut tel espace ? Est-ce qu'il y en a qui veulent un espace à deux ? Est-ce qu'il y en a qui veulent un espace à plusieurs ? Enfin, je suis vraiment dans le concret, hein, mais du coup, c'est venu comme ça. Mais déjà, donc, il y a le partage de l'espace. Ensuite, dans cet espace-là, il y a le partage... de ce qui peut être utilisé comme matériel, donc ce qui peut pousser, les logements, les... voilà. Donc ça, c'est déjà la deuxième étape. Et ensuite, il y a les échanges dans cet espace. Je dirais ça, c'est la troisième étape. Et bon, après, il y a plein d'autres étapes. Mais enfin, déjà, dans ces trois étapes-là, si on pouvait un petit peu essayer de savoir dans notre société idéale comment les gérer, c'est un peu chaud hein, ce que je propose, hein, mais... Je sais pas s'il y a des gens qui ont des idées là-dessus, justement, sur, voilà, déjà, comment est-ce que l'espace pourrait être géré ? Est-ce que... Bon, du coup, je vais proposer un truc. Moi, je pense, parce qu'on l'avait dit la semaine dernière, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, il pourrait y avoir, je sais pas, soit une grande feuille, soit... Enfin, que les gens demandent chacun un tel espace à gérer, en sachant que tout ce qu'ils produisent dans cet espace... Du coup, comme étant le fruit de leur travail, comme je l'avais dit tout à l'heure par rapport à ce que font les enfants, ce qu'ils créent, tout ce qu'ils produisent dans cet espace, comme c'est eux qui le produisent, ça leur appartient comme leur propre corps, on pourrait dire. Donc l'autre a à le respecter comme leur propre corps. C'est pas dans le sens d'un bien financier. C'est juste que c'est à respecter comme leur propre corps. Et ils peuvent l'échanger contre le bien de quelqu'un d'autre, par exemple. Mais sinon, c'est à eux comme une extension de leur corps. Je dis ça pour ne pas dire ça leur appartient, pas pour parler du côté de la propriété. Voilà, première idée, c'est très vaste, mais... D'accord. Alors, juste un point technique. Je viens de voir avec les copains d'écologie, je ne sais pas si vous êtes au courant. Apparemment, un truc affilié à la NASA nous a dit que là, on avait trop niqué la planète et que c'était irréversible. Donc la couche d'ozone, tout ça, apparemment, c'est assez mal barré. Voilà. Donc dans la société utopique, on aura peut-être du feu dans le ciel, j'en sais rien. Mais désolé. Mais c'était une information que je voulais vous partager. Tu parlais de partager l'espace. Je sais pas si c'est une très bonne solution. En tout cas, ça a fonctionné pendant des siècles en Afrique. C'est que dans chaque village, chaque habitant, chaque foyer avait sa parcelle personnelle pour l'habitation... plus une parcelle, on va dire, à usage privatif pour cultiver, élever ses animaux en fonction de ses besoins. Et il y avait les parcelles collectives qui étaient autogérées dans les villages. Elles appartenaient au village, donc à la communauté. Et tout le monde s'y mettait pour cultiver, pour fournir les besoins collectifs. C'est un système qui a peut-être existé en Europe, pas à ma connaissance. Et on pourrait, dans une société idéale, on pourrait peut-être partir de là pour repenser les modes de production, non plus en fonction d'une capacité de profit, mais d'une nécessité de besoin. Je vais te répondre, Bruno. Ce que tu dis là, dans certains villages, ça existait. Moi, dans le village de ma grand-mère, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient quasiment tous des poules dans le poulailler. Ils avaient leur. Alors, certes, c'était dans le sud de la France. pardon, excuse-moi, et il y avait un climat propice, etc. Mais c'était déjà ça. Ça s'est un petit peu perdu. Ça commence un petit peu à naître à droite à gauche. D'ailleurs, il y avait à un moment donné, on parlait, c'était assez rigolo, justement dans Paris, de mettre des poules dans les cours d'immeubles, etc. Tu as des endroits comme, alors je confonds toujours les noms, mais c'est à Clignancourt où ils avaient mis des chèvres, mais ils en ont enlevé parce qu'elles étaient en train de déprimer les pauvres. Mais il y a toujours des poules là-bas. Il y a des œufs. Enfin voilà, il y a plein de petites. Enfin, il y a plein. Il y a quelques endroits comme ça, et je suis d'accord de multiplier ça et de le faire surtout dans nos habitations. Et un jour, j'avais dit comme ça en rigolant avec des amis, il faut qu'on ait tous des poules dans notre cour. Alors ils m'ont pris pour un taré, mais ça peut être effectivement une des solutions. Et ça ressemblerait un peu à ce que tu nous expliquais en Afrique. Mais voilà. Bien sûr, les gens ils veulent bien des poules, mais si je m'en mets un coq, parce que je me permets de le dire, dans le square du 3e, il y avait une personne, il avait mis 3 ou 4 poules et il y avait un coq. Et alors là, le matin, il paraît que ça dérangeait. Ah, alors moi, j'avais dit à des gens, m'attendez, les voitures qui passent, les gens qui font des bruits au café, il vaut mieux entendre le chant d'un coq que les voitures qui passent. Donc, oui, ça va être dit à la télé, mais des poules, mais pas des coqs, parce que sinon, les gens, ils vont... Ça servirait d'ailleurs pour manger les salades, un truc comme ça. C'est peut-être une autre forme aussi. Ben, entre nous, je sais pas, moi, on peut... Lorsque quelqu'un, mettons, on parle... Les jardins partagés, qu'est-ce que c'est? On se met à plusieurs, on les cultive. Ça, c'est... En somme, c'est agréable parce qu'on est détendu. On rencontre d'autres gens, puis après par la suite, il y a encore des réunions, des trucs comme ça. Le truc de client court, je connais. Hein. Je suis heureux quand je passe parce que je vois une petite basse-cour. C'est impeccable. Je n'en revenais pas. Et pourtant, il y a un coq, mais comme c'est en bas, ça ne s'entend pas. Et ben voilà. C'est une chose. Ah. Oups. Non. Oui, par rapport à l'exemple d'un village, effectivement, par rapport à l'exemple d'un village qui vit d'une certaine manière à une certaine époque, je crois que là, on fait une impasse sur un élément qui me semble important, c'est que on prend la région parisienne concrètement, on est 12 millions d'habitants. Donc, à mon sens, on ne peut pas réfléchir de la même manière sur... un groupe de 12 millions d'habitants avec des groupes éparpillés de 200 ou 300 personnes. Donc là, je crois que c'est un peu dangereux d'aller dans ce sens et qu'il y a un effort à faire. Voilà, simplement. Ok, ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est un grand défi. Là, je sais pas si tu. Ça commence un petit peu à germer dans les esprits. De plus en plus de potagers en haut des immeubles. Parisiens ou des ruches, parce que c'est la grande mode, tout le monde met des ruches maintenant. Même le siège de ma très grande entreprise capitaliste a des ruches sur son siège social. Voilà, donc ça, il y a des petites choses comme ça qui sont en train de se faire, mais c'est vrai que c'est forcément délicat. Même tu dis Paris, mais si tu vas dans la cité des 4000, ça va être compliqué quoi. Donc voilà, je sais pas, est-ce qu'on continue sur ce point là ou Adèle? Adèle a toujours des choses à dire, faut savoir. Ah non, mais on est pas nombreux ce soir en plus. Mais... Non, mais je voulais rebondir... Donc, avant de rentrer en psychiatrie, je vais m'exprimer une dernière fois. Après, je serai muselée par les médocs. pour rebondir sur ce que disait le monsieur, du coup, je réfléchis par rapport à la ville. Et du coup, il y a deux enjeux. C'est vrai qu'il y a il y a trois enjeux même. Il y a les espaces gérés en commun, il y a les moyens de production, et il y a aussi les logements et le fait de se rencontrer. Alors moi, je ne sais pas si ce serait par exemple possible de développer vraiment les squats, mais du coup, que ce soit pas seulement des endroits délaissés qu'on récupère comme des squats, mais de créer carrément des lieux dans lesquels, voilà, chacun puisse aller dormir un soir comme ça, s'il le veut, partout dans la capitale. Et chacun là-dedans s'autorégule, gère la cuisine, créer un potager là-dedans. Donc ça pourrait exister en ville, en fait. Que ce soit dans des... J'arrive. Après, je vais en psychiatrie, alors je fais vite. Hein. Donc, je pense que ça pourrait être géré en ville. autant sur le plan du logement, du coup, que sur le plan des cuisines aussi gérées en commun, aussi des espaces, pourquoi pas, hein, de théâtre, de lecture, des espaces de culture, des espaces de musique, et que voilà, en fait, tout ça se soit ouvert. C'est ça le principe. C'est qu'il n'y a pas des endroits fermés où les gens sont entre eux, que ce soit ouvert, par exemple, voilà, à la place du Habitat, et bah tiens, bah, ce soir j'ai envie d'aller dormir là-bas, je vais regarder, bon bah il n'y a pas trop de place, mais par contre ils me disent là-bas il y a une place. Bon, un exemple très simple, et ça ce serait typiquement le genre de choses qui pourraient exister en ville, mais ça reprend aussi ce qu'on avait dit la dernière fois sur la question de l'hospitalité, que finalement n'importe qui passant dans un endroit devrait pouvoir y être accueilli pour dormir, pour manger, et pour discuter aussi bien sûr. Ouais, bon bah Adèle, tu parles tout simplement par rapport à ce que tu viens de dire. Bon bah je vais faire une petite dédicace d'un côté parce qu'à Paris on en a deux qui sont très importants, dont un qui va bientôt fermer malheureusement qui s'appelle le Gros Bat, où moi j'ai été invité à y dormir grâce à François II, François Chevegris, et tout simplement je vois que c'est un squat qui est 100% artiste. Ils font beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes. Le contact a du mal à passer, malheureusement, parce que bon, il y a quand même quelques militants à l'intérieur. Alors, les intermittents du spectacle à la base ont été militants, mais à cette heure-ci, ils ont un petit peu réussi à pouvoir ouvrir des squats et organiser des trucs autres de leur côté. C'est pour ça qu'il y a quelques problèmes au Gros Bat par rapport à Nuit Debout. Il se passe que, en même temps, je vais faire une petite dédicace aussi à nos chers amis, les grands voisins, qui, eux, ont créé, grâce à une association, Saint-Vincent de Paul exactement, si je me trompe pas. Et il se passe que, à Saint-Vincent, grâce à cette association, il y a quand même aux grands voisins un système de ZAD, entre guillemets, fait pour les personnes qui sont sans logis. Bon, malheureusement, ils essayent de trouver le moyen de pouvoir avoir la place de toile de tente, bah, c'est 22€ pour deux personnes, c'est-à-dire moins de deux personnes, tu es obligé de payer pas un peu, c'est 22€ pour ta poire. Parce que c'est voilà, ils acceptent que des toiles de tente de place. Après, il y a aussi un endroit aussi où c'est assez protégé, même en hiver, où il y a des hamacs qui sont installés, c'est 8€ le hamac, l'endroit, l'emplacement du hamac avec le hamac fourni, c'est quand même pas mal. Il y a une tournée qui se fait qui est très importante là-bas, je pense que au Grand Voisin, c'est un campement qui s'est produit, bon certes oui grâce à Saint-Vincent de Paul, mais en même temps bah faudrait un petit peu essayer de trouver le moyen pour pouvoir s'organiser ensemble et pouvoir leur demander qu'ils essayent de au lieu de voir la situation de la personne, bah, d'inviter tout simplement gratuitement en disant bon bah voilà, bon au lieu d'aller dormir chez moi, j'ai envie de dormir chez vous, alors est-ce que c'est possible d'avoir un emplacement gratuit, s'il vous plaît? Et puis c'est comme ça qu'on pourrait avancer au niveau domiciliation, au niveau logements sociaux, mais surtout, oui, au niveau ZAD, aux alentours de la région parisienne, hein, bien sûr, c'est-à-dire dans les banlieues, principalement dans les banlieues profondes, comme le 77, le 91, principalement. 93, oui, mais pas. Ça dépend où dans le 93, même dans le 92, parce que c'est assez des départements non ciblés. Beaucoup aussi ciblent beaucoup la campagne, parce que voilà, le 91-77, c'est pirement des vaches, des champs à tire-larigot et autant de campagnards, malheureusement. Et oui, c'est très gentil, les gens. T'inquiète, moi j'en suis un aussi, hein. Mais il se passe que si on arrive à créer les ZAD aussi dans les alentours, dans l'Île-de-France, hein, dans les banlieues, ça serait magnifique aussi, parce que voilà, on pourrait un petit peu se dire, bon bah voilà, allez, je vais aller à la ZAD dans le fin fond du 77, et puis stop, et ça va me faire plaisir. Et je vais annoncer en même temps qu'il y a une ZAD suite à l'autoroute A45 qui risque d'être détruite deux côtés d'un petit village. C'est un petit village, j'ai pas exactement le nom. Et c'est dans le Loiret, il se passe que il y a une pétition que je vais recevoir par mail, que je vais faire tourner, suite à une interdiction par rapport à détruire et installer une autoroute à cette place. Voilà. Alors juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Seb, le Gros Bat effectivement ferme dans l'adresse actuelle, mais ils vont à Aubervilliers, je crois. Pour l'instant, pour 2 mois, ils ont des locaux, ils sont en train de voir. Et en fait, le deal, c'était de... Ils ont été poursuivis, forcément, et donc les poursuites sont arrêtées, mais par contre, ils doivent partir au 1er décembre. Concernant le Gros Voisin, moi, j'y étais hier, effectivement, c'est un endroit génial. Oui, par contre, il faut payer, effectivement, pour rester sur place. Concernant le 77, oui, bah écoute, le 77, malheureusement, politiquement, c'est très compliqué là-bas. Je sais qu'il y a des copains qui essayent de faire des choses socialement parlant, mais la région, c'est très très compliqué. Et sur Torcy, ça bouge pas mal. Coulommiers, ouais, c'est un petit peu plus loin, mais ça, mais en tout cas, voilà. Socialement parlant, sur Noisy, Noisy-Torcy, etc., ça essaie de faire quelque chose, mais ils sont pas forcément aidés par la région. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais après le reste, totalement d'accord sur ce que tu dis. Et il y a d'autres squats hein, qui sont, il y en a un là qui est en train de se construire, je ne sais trop où, et on le dira pas forcément. Et il y a plein d'endroits squattables, et voilà, s'il y a des gens qui veulent faire des squats, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits pour le faire. Et on en reparlera très prochainement de squats à Nuit Debout, puisque on va avoir besoin de murs, parce que l'hiver va arriver. Ok. Non, c'était pour. En fait, ça suivait ce que tu disais, Seb, du coup, mais c'est surtout pour répondre à l'inquiétude du monsieur sur la ville, en fait, qui dit on est 12 millions à Paris, mais c'est vrai, en fait, je comprends carrément parce que on est entouré de béton, donc en fait, on s'imagine pas que c'est ici qu'on va se nourrir, mais justement, dans ma société idéale, en fait, il y aura beaucoup moins de béton. Parce qu'il y aura beaucoup moins de voitures et du coup on pourra ça va tout aussi dans la réappropriation de l'espace et du coup en fait il faut imaginer que Paris peut être beaucoup beaucoup plus vert qu'il ne l'est en fait parce que là on l'a complètement bétonné et forcément dans notre imaginaire on se dit bah ici on peut rien faire il y a pas de champs il y a du béton on enlève le béton on fait les champs enfin voilà donc c'est tout. Ouais. Alors après, faudra des gens pour tout ce qui est égout et compagnie, hein, les enfants. Faudra des ingénieurs en herbe pour savoir comment ça va se passer, parce que si il y aura un petit peu plus de boue partout, et je sais pas comment on fera, mais mais ça peut être sympa d'y réfléchir, les gars. Et le métro aussi qui est en dessous, je sais pas ce qu'on en fera, mais... Juste voilà, si je veux vraiment être, admettons, on va essayer d'être réaliste, mais évidemment, je dis pas que Paris pourra s'autosuffire, j'en sais rien, mais en tout cas, on pourra faire nettement mieux que là, quoi, voilà. Bah, déjà, si on enlève les dalles de béton sur la place de la République, je pense qu'il y aura déjà un bon paquet de terre, comme on avait commencé à le faire il y a quelques temps. Et déjà, ça pourrait faire un beau champ, en fait, ici, je trouve, non? Voilà. Pas de réaction dans la foule, mais... Dans la société idéale, peut-être que République, ça sera un super champ avec une statue au milieu. Ça peut être cool. N'hésitez pas à intervenir, messieurs, dames, qui venez nous rejoindre. Donc nous sommes sur l'atelier « Quelle société veut-on ?» sur le thème « Bien vivre avec les autres » et sur le confort individuel pour la responsabilité collective dans les choix de production et de consommation, économie utile, surtout en cas de crise écologique, sociale et économique. Voilà, si ça inspire quelqu'un, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, le micro n'a jamais tué personne, comme je dis régulièrement. Donc, est-ce qu'on conclut ce point ou... Ouais. Ok. Bon, alors. L'avant-dernier point sur ce sujet, c'est quelque chose, qui mérite une grosse réflexion. C'est respect et confiance en autrui, entraide et proximité. Je pense qu'on l'a partiellement, on en a parlé, en tout cas de la proximité, de l'entraide, respect et confiance en autrui. Est-ce qu'on en a parlé ou pas vraiment? Je ne sais pas. qu'est-ce que ça vous inspire, le respect et la confiance en autrui? C'est un, le mot respect, c'est quelque chose qui revient beaucoup ces derniers temps dans l'actualité, à tort ou à travers d'ailleurs, parce qu'on ne sait plus qui respecte quoi, qui ne respecte plus, quelles sont les échelles de respect, je sais pas trop. Entraide et proximité, ça je comprends un peu mieux. Alors je vais pas aller très très loin, mais y a un truc tout simple, c'est que, qu'on constate tout le temps, c'est que les... Par exemple, les hommes politiques ne respectent pas toujours les règles. Et du coup, voilà. En fait, ils nous manquent de respect, ils manquent de respect. Et du coup, eux-mêmes, déjà, ceux qui dirigent, déjà, manquent de respect et donc montrent un manque de respect. Donc, en fait, faudrait tout simplement déjà qu'il y ait des règles qui soient absolument respectées, voilà, un maximum et dans... Enfin, au plus haut, partout en fait. Mais après, c'est un peu compliqué. Je dis les règles soient respectées, ça dépend des gens. Mais ouais, où il n'y a pas de règles, sinon, je sais pas. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. J'aime ce sourire. Bah ouais, mais parce que. Il y a peut-être souvent respect, parce que peut-être que je l'écris souvent facilement aussi. Donc, du coup, respect. Alors, pour moi, fondamentalement, et ça va avec confiance, dans respect, il y a déjà le. Le fait que si on dit quelque chose, on s'engage dans ce qu'on dit et on le respecte. Donc, ça va avec confiance. Pourquoi ? Parce que si l'autre dit quelque chose, qu'il s'engage dedans et qu'il le respecte, on peut lui faire confiance. Et ça, tu parlais du politique. Bon, typiquement, je pense que le respect de la parole politique, c'est une vaste blague. Donc, et le respect là-dedans, du coup, ça comprend aussi le respect de soi. C'est-à-dire, à partir du moment où ce que tu fais, on l'avait dit dans le CR de l'atelier précédent, que nos actes soient en accord avec nos paroles. C'était dans le CR d'avant. Donc, en effet, si tu dis quelque chose, que tu t'engages dedans, que tu fais derrière ce que tu as dit, du coup, ce que tu fais, en contre-coup, ça va aussi avec ce que tu dis. Enfin, ce qui fait que tu es toujours dans... Non seulement tu respectes toi-même, mais tu respectes les autres, et ça permet aussi de te rendre compte des limites de ce que tu fais. Bon, c'était peut-être pas très clair ce que je viens de dire. Après, par rapport à entraide et proximité, c'est tout ce qu'on a dit par rapport au local. Le fait, si tu te lèves le matin et que t'as envie de faire des choses pour toi, pour ta famille, pense aussi, et par rapport à toutes les personnes que tu vas croiser, qu'est-ce que tu peux leur apporter également, quoi. Ok. Alors oui, effectivement, la confiance, ça me parle. Effectivement, le... Ah, bah écoute. Bonsoir. Moi, je connaissais pas du tout ce concept, à vrai dire, et je trouve ça assez cool. Tout simplement dire, je voyais moi le respect d'autrui. En effet, j'aimais bien l'idée de voir que c'était déjà le respect par rapport à soi-même. Et de voir qu'en fait, quand on se croise les uns les autres dans la rue, tout simplement de montrer l'exemple. Enfin, je voyais par rapport à ça de se donner tout simplement de l'affection de manière toute simple, un bonjour, une simple politesse, c'est toujours cool à voir. Et je pense que malheureusement, quand on est stressé, quand on a peur des autres, on oublie tout simplement qu'on est tous humains, qu'on est tous dans le même bateau. Et je trouve que c'est pour ça que j'aime bien cette initiative de dire qu'on peut réfléchir ensemble et à réfléchir à vivre ensemble. Voilà, c'était un tout petit point. Merci beaucoup. Merci à toi. Bien, merci. Une autre réaction sur le respect, la confiance. Ok. Alors, bonsoir à tous. Je parle pas beaucoup, mais on parle de respect parce que je viens ici de passer le soir. Ça fait deux fois que je vois des choses qui se passent. Malheureusement, il n'y a pas de respect. La personne, je sais pas, quand il a manqué de respect, il n'y a pas à toute l'équipe qui est là. Parce que pour avant-hier, c'était jeudi soir, il y avait une personne qui l'entendait filmer la nuit de bouche, on peut dire ça comme ça. Il a tenu le portable qui filme, l'autre, elle a balancé son portable par terre. Et la personne qui l'a défendu, elle n'était pas contente. L'autre, il a massacré. Pour moi, c'est un massacre. Qu'elle a donné un coup de poing sur le mâchoire, qu'elle est vraiment dans... Je vois pas... Oh, d'accord, on parle de respect. Hein, c'est et malheureusement, là, c'est de violence. Mais en principe... D'accord, mais je m'excuse. Il ne devrait pas exister ça aussi. Parce que nous, là, pour moi, on est presque en famille. C'est la deuxième famille pour nous. D'accord ? C'est la deuxième famille. Bon, je vous remercie beaucoup à tous. Allez, bonne soirée. J'espère que tout le monde... Mais merci. Merci, effectivement, t'es tout le temps là. C'est un total respect par rapport à ça sur la place. Effectivement, du coup, là, on est parti un peu sur la violence, effectivement, ce que tu viens de me dire. Et dans la société idéale, la violence, forcément, faut plus qu'elle soit là, quoi. J'ai pas grand chose à dire. Alors, après, la part d'humanité dans la violence, je sais pas quelle est cette part d'humanité. Donc, quelqu'un qui est à ma gauche aurait dit, celui qui est violent, en fait, il se fait mal à lui-même, hein, un truc comme ça, non, c'est pas ça. Mais ça, je fais un petit teasing sur dimanche prochain. Mais du coup, je voulais juste revenir sur la confiance, parce que pour moi, c'est très très important. Et je le vois, parce que ce problème de confiance, je le vois en deux points. Déjà, il y a la confiance en soi. Et ça, c'est un gros problème, c'est que les gens ont de moins en moins confiance en eux. Moi, je vois plein de choses depuis que je suis sur cette place. Je vois plein de gens, ils ont plein de choses en eux. Et je suis sûr qu'ils en développent. Alors, développer, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, qui arrivent pas, entre guillemets, à sortir tout ce qui pourrait sortir. Alors après, je suis pas dans un truc, compétition, etc. Hein, c'est pas le but. Mais il y a plein de gens, je suis sûr, qui ont plein de choses intéressantes à dire ou à faire et qui se mettent des freins et des barrières psychologiques. Je ne sais pas pourquoi, mais donc pour moi, ça, c'est très important, c'est réapprendre à avoir confiance en soi. Déjà, c'est une base. Et aussi la confiance avec les autres. Et ça, c'est un truc très, très important. Aujourd'hui, on a du mal à faire confiance aux autres. On est toujours dans la méfiance. On est toujours dans le « ouais, mais il y a un loup, il y a un truc qui va pas ». Genre, quand il y a quelqu'un qui est super gentil avec toi, tout d'un coup, on va se dire « ah, lui, il est louche, il est trop gentil, ça n'existe pas, les gens trop gentils ». Et c'est vrai que c'est malheureusement, c'est un mal de notre système aussi, de système où on se renferme sur soi-même, où on fait pas confiance aux autres, et où, en fait, on a ouvert plein de choses. C'est-à-dire qu'on maintenant on a des reportages sur tel ou tel sujet, on voit l'envers du décor de ce qui se passe dans telle entreprise, ce qui se passe avec les opérateurs téléphoniques, ce qui se passe avec tous les grands patrons du CAC 40 et consorts. Et du coup ça fait en sorte que les relations aussi se tendent. Aujourd'hui on dit souvent quand vous allez dans un magasin, si vous gueulez pas, vous avez un problème. Si vous gueulez pas, les gens ils vont pas bouger. Et ça, c'est un truc. Moi, je trouve ça dommage parce que maintenant, on est obligé de gueuler pour tout. On est obligé de gueuler pour tout, même au téléphone. Et il y a des gens qui, des fois, ils peuvent rien, ceux qui sont en face de vous. Et malheureusement, c'est une des solutions pour faire pour régler entre guillemets un problème. Et ce problème de confiance, je finirai juste avec ici sur la place. Et on a besoin de se faire confiance. Et ça, ça malheureusement, des fois, ça peut gérer des conflits. Voilà. J'ouvre des portes. Hein. Après, je vous laisse réagir sur mon espèce de mini monologue. Dans le problème de confiance à autrui, si le problème, il y a un autre phénomène, c'est le problème de la certitude que l'on peut avoir soi. Je sais que j'ai raison. Donc, s'il n'est pas en accord avec moi, il a forcément tort. Donc, je ne peux pas lui faire confiance. Moi, je suis fonctionnaire, je travaille dans une administration. Les gens ont l'habitude de nous appeler en gueulant. Parce que forcément, on s'est trompé. Et bien souvent, ils sont assez surpris que ça se règle amiable. Parce que, on pense nous avoir raison. Il me dit que j'ai eu tort. On va vérifier. Pour faire confiance, aussi admettre qu'on peut avoir tort. Et que l'autre peut avoir raison. Non mais du coup en fait on a parlé, mais c'était juste parce que le monsieur l'avait bien dit, c'était pour il a bien dit le mot pour moi, c'est que c'est à cause de la peur de l'autre en fait. Et du coup là c'est pareil ce que tu dis, ça me fait penser en fait quand les gens ils t'appellent là, en t'engueulant, je me dis enfin moi je pense pas que la peur est tout le temps la cause, mais ils n'ont pas peur de toi, mais ils ont peut-être peur en fait de l'entité, en fait, de ce qui peut leur arriver si ils vont pas gueuler ou si donc il y a toujours une peur comme ça en fait qui fait agir. Enfin, je crois. Et du coup, bah, je pense que c'est là-dessus qu'on peut travailler. Mais j'ai encore pas de proposition. Moi, je pense qu'on se méfie beaucoup trop, du coup. Et la confiance, après, quand on est dans des cases, enfin, quand on a une étiquette, après, les gens, ils vous jugent, voilà, genre, ah, t'es psychiatrie, machin, badalala, c'est bon, t'es aliéné. Même dans ce système-là, en fait, c'est un système qui aliénie encore plus. La parole n'est pas prise en compte, vraiment. Moi, si, je vais aller sur la psychiatrie, mais je vais m'arrêter sinon. Mais la confiance, après, ça s'apprend aussi, mais c'est avec les autres. C'est un truc de miroir, un peu. Et forcément, si t'es mal jugé, si on te traite mal aussi, voilà. Et moi, franchement, j'ai du mal à faire confiance. Je me suis fait tellement avoir, mais tellement de fois, quoi. Trop beau, trop con. Donc voilà, mais après, faut pas s'arrêter. Ouais. Sur la question de respect et de peur, et du coup on est dans bien vivre avec les autres, tout à l'heure on a parlé de l'influence des médias dans la publicité. Il y a l'influence des médias aussi dans la façon dont ils divisent les gens et dont ils transmettent totalement et en permanence. Oui, divisé pour Murénier, en permanence on transmet des messages bien souvent clichés sur telle ou telle catégorie de personnes, donc on sectorise et tout le monde devient un peu l'ennemi de tout le monde. Il n'y a jamais d'information positive, il y a toujours des informations d'une catastrophe qui s'est passée, de quelqu'un qui s'est fait agresser, de ceci, de cela. Vous regardez un reportage, c'est toujours un reportage sur plus ou moins la théorie du complot, attention que s'est-il passé. Donc je pense aussi que les citoyens sont entretenus par les médias dans cette peur de l'autre, et du coup on casse et on fragmente la société et on individualise les comportements. Et du coup, bien sûr, violence, parce que manque de confiance, manque de respect, la violence physique, verbale et psychologique pour celui qui la reçoit, parce qu'il est stigmatisé et exclu. Je voulais dire un truc sur la violence. Après, du coup, il y a des gens qui s'expriment de façon violente, mais parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, enfin, elles ne sont pas entendues les autres jours, donc quand on lui donne la parole, elle peut le dire d'une façon agressive et tout, mais il faut voir les violences qu'elle a subies aussi, il faut avoir un peu d'empathie, je pense, mais même dans les milieux sociaux, hein, et, ils sont vachement durs quand même avec le comportement que peuvent avoir certaines personnes, mais ils ne s'imaginent même pas un quart de seconde de ce qu'ils subissent, eux. Et l'empathie, ouais, ça se travaille tous les jours, voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je parle de moi, je parle pas. Moi, je peux être quelqu'un de très aimable, je peux être quelqu'un de très chiant, je peux avoir confiance, je peux me méfier. Je veux dire que chaque individu, enfin, les uns et les autres, on est quelque chose d'organique, on n'est pas tout d'une pièce. Je vais pas mettre une étiquette gentil, aimable ou à l'écoute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être ça, mais. Par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je rencontre, je peux être complètement aussi autre chose. Donc je ne suis pas d'une pièce et je pense que personne n'est d'une pièce. On peut, doit aussi accepter ça quelque part pour peut-être marcher un peu ensemble. Bonjour. Moi, je veux vous dire, le respect, les gens n'ont pas de respect. Une fois, par exemple, je suis un black. Une fois, il y avait un jeune qui fumait dans le train. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, monsieur, regardez, on ne doit pas fumer. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, toi, tu t'arrêtes. Tous mes compatriotes sont là, ils me disent rien du tout. Ils me disent rien du tout et que moi qui est black, qui vient lui dire de d'éteindre la cigarette, il m'a dit de dégager. Je suis parti. Bon, une deuxième truc, je me suis fait encore à Charles de Gaulle Étoile piqué par quelqu'un. J'allais prendre mon train, comme vous savez, on est toujours pressé. J'allais prendre mon train, j'avais mon badge. J'ai mis mon badge et j'ai bousculé un petit peu et je parlais avec la personne pour lui dire que j'ai mis mon ticket. Et après, je partais. Comme je partais, il m'a piqué. Mais j'ai senti qu'il m'a piqué doucement. Et il y a un collègue qui m'a dit qu'il m'a piqué avec un couteau. Ça veut dire le respect. Tout le monde ne respecte pas, ni les vieux. C'était un gars âgé. C'est ça que je veux dire, il n'y a pas de respect. Et puis pour les jeunes, il ne faut pas prendre toutes les jeunes, mettre dans un sac, les envoyer à la Seine. Parce qu'il y a des jeunes bons et des jeunes gentils. Il faut dialoguer avec les jeunes. Je vous remercie. Pas de souci. Alors, excuse-moi, Seb, du coup. Ok. Adèle, attention à toi. Au fil. Oui, alors, comme disait madame, les médias, effectivement, formatent un peu beaucoup les pensées inconscientes des gens. À telle enseigne que ils relaient justement les élites bien-pensantes de la République qui discriminent systématiquement les enfants de la patrie française. À savoir que on sectorise les Français. Il y a des bons Français, il y a des mauvais Français, et dès qu'il y a un petit français black ou arabe qui fait quelque chose de bon, hop, il monte à l'échelle sociale au-dessus. On dit, on évite de dire ses origines. Mais dès qu'il fait une connerie, on le ramène systématiquement, et c'est de manière vraiment systémique, à ses origines. Alors du coup, ça entretient un flou continu dans la société française, une dichotomie totale de cette société. On en arrive effectivement à des comportements finalement qu'ont les jeunes, nos enfants, hein, des comportements d'agressivité pour ne pas dire autre, hein, les uns les autres. Et je pense effectivement qu'il va falloir vraiment travailler sur ça, travailler sur la représentativité. Moi, je suis pour le quota. Travailler sur la représentativité à l'Assemblée nationale, dans les instances gouvernementales, dans les instances aussi des administrations, etc., etc., pour qu'on puisse reformater cette société dans le bien-être, dans la bienséance de sous, quoi. Et une certaine dose aussi d'empathie dès le jeune âge, pour qu'on puisse mieux comprendre l'autre et accepter les différences. Donc quand tu parles de respect, quand tu parles finalement de confiance, le respect, c'est pas seulement le respect que l'on doit à l'autre, c'est aussi le respect des cultures différentes, le respect des religions différentes, le respect de la différence de l'autre. Et ça, malheureusement, nos putains d'élites, excusez-moi l'expression, font tout pour segmenter cette société. Et malheureusement, on tombe dans ce piège. La preuve, le Front National ne devait jamais exister, en théorie, quand on revient à l'histoire. Oui, oui, on est obligé de mettre ça dessus. C'est clair. Le racisme, c'est le corollaire de tout cela. Faut apprendre à se connaître, quoi. Enfin, réapprendre à se connaître. J'aime ce que tu dis sur respect des différences et des libertés de l'autre. La République, elle a institué normalement ce respect des libertés et des différences de l'autre dans une loi en 1905 qui s'appelle une loi sur la laïcité. Le terme, il est hyper galvaudé en ce moment, mais et il est complètement dévoyé et pris à contresens. Mais normalement, le fondement laïque de la République française, c'est bien celui des respects des libertés et des différences de chacun. Et du coup, quand on parle bien vivre avec les autres, peut-être on a aussi à se pencher sur ça. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui est le fondement commun de la République, que sont liberté, égalité, fraternité? Je même pas laïcité avec, parce que pour moi c'est un principe et pas une valeur. Mais oui. Pardon. Oui, par rapport à l'agressivité. Donc je suis tout à fait d'accord, hein, bien sûr, avec ce qui a été dit. Et je me disais, ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte que l'autre peut être blessé, mais de façon différente de soi. Parce qu'on se dit des fois, voilà, la façon dont il parle. Ah non, mais moi, s'il me parle comme ça, je vais être blessé. Bah oui, mais lui, peut-être qu'il parle comme ça avec ses potes et que c'est une façon de s'exprimer. Et inversement, on peut avoir des discours, mais d'une violence énorme, mais dit avec un langage de miel et qui sont, mais d'une destruction terrible. Donc il y avait ça, et donc du coup aussi être attentif, du coup, aux limites de l'autre. Mais là, c'est vraiment être attentif, c'est-à-dire percevoir à quel moment pour l'autre ça commence à devenir insupportable. Et aussi, du coup, être attentif à ses propres limites, quitte à travailler dessus, mais sentir, voilà, quand on parle avec quelqu'un, qu'il y a un moment en soi ça monte, et pouvoir dire à ce moment-là, avant d'exploser ou avant d'être violent, écoute, là, je suis en train d'atteindre un stade plus possible, donc, attends, je sors, et le dire, voilà, et pouvoir le dire. Mais ça, ça demande, à la fois, c'est un apprentissage à long terme, mais ça peut être fait demain, ça peut être commencé demain. Et du coup, moi, je me suis dit tout à l'heure, quand on parlait de tout ça, et en plus, parce que ce qui a été dit à la fin, c'est, je me dis, le problème, c'est la question de l'identité. C'est la peur de l'autre, la peur de que l'autre nous prenne notre identité, qu'il la mette en cause. Enfin, et l'agressivité, très souvent, il y a ça, c'est aussi, tu m'attaques, moi, dans mon identité, ou le fameux nique ta mère, quoi. Enfin, voilà, l'identité de ma mère, c'est... je sors ça comme ça, mais c'est vraiment ça, voilà, tu m'attaques, moi, ma famille, moi, mon identité, et aussi, du coup, bah, des fois, tu m'attaques, moi, par rapport à ma religion. Enfin, il y a ce sentiment identitaire. Alors, je ne sais pas si on pourrait balancer un truc genre abolition de l'identité, mais je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas, c'est-à-dire que je trouve ça un peu bizarre de le dire comme ça. Est-ce que l'identité, ça apporte des choses? Je ne sais pas, je le pense, donc je le pose comme ça, mais voilà. Qu'est-ce qu'on ferait de cette question de l'identité dans notre société idéale? Ok. Alors, on a monsieur qui n'a pas encore parlé, donc on va le laisser parler, et puis après, vous deux. Juste, Adèle, ce que tu as dit là sur la façon de parler, etc., ça me rappelle une question, une boîte à questions qu'on avait fait à EducPop. On avait dit notamment, voilà, si tu as quelqu'un qui parle genre « wesh », en fait, il n'est pas forcément agressif. Ouais, mais il est pas forcément agressif, en fait. Mais c'est sa façon de parler. Mais tout ce qu'elle a dit, en fait, alors je sais plus ce que c'est, mais... Ça, voilà, on s'auto-forme, hein. C'est éducation populaire à Donf. Attends, je vais essayer d'arriver vers toi. C'est la première fois que je marche sur la bâche. Je vais y arriver. Oui, c'est pour rebondir à propos de l'identité. Ça va devenir un sujet de conversation nationale avec les élections. Donc moi, je pense aussi que la France a un passé de colonisateur qui n'a pas encore été bien assimilé. Caroline, tu veux le micro? Alors tu ne parles pas, tu m'écoutes. Le fait que la France ait été un pays et continue à l'être pour dans un certain nombre de secteurs colonisateurs, ça a séparé un certain nombre de populations de l'identité française. C'est-à-dire c'est assez compliqué pour que ça devienne un problème. Et donc moi je pense que il y a eu des propositions de cours d'alphabétisation à la place de la République, et je trouve que ça serait une idée peut-être à remettre sur le chantier. Je crois, alors je sais pas si c'était encore fait, mais qu'il y avait à Stalingrad, il y avait une asso qui s'occupait de ça, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est toujours le cas. C'est toujours le cas? D'accord. Et je crois qu'ils ont besoin d'aide, de moyens, tout ça, il me semble. Un monde par tous ou pour tous? Ok. Autre monde, voilà. Si l'auditeur nous écoute. Non mais moi je sais qu'il y a plein de secteurs où on fait de l'alphabétisation à Paris et ailleurs, mais je parle de la place de la République. Je parle pas d'ailleurs, je parle d'ici. Bea culpa. Bah, je vais pas dire de nom, mais moi j'étais dans des assos, mais même là, il y a toujours un truc d'espèce de pouvoir, de domination et tout. Même dans le milieu associatif, quoi, tu vois. T'es là en tant que bénévole, on est tous. Mais même là, c'est plus fort que. Et du coup. Enfin voilà, je sais pas. C'est tout. Ah, voilà, un autre truc, ouais, voilà. Mais, merci au nu du vous parce que. Moi, j'ai commencé aussi à parler, à m'ouvrir aux autres ici. Et moi, avant, en fait, j'étais autiste, hein, donc je savais pas comment parler. Je parlais plus. Donc, du coup, moi, les premières fois où je suis venue ici, je poussais des gueulantes, quoi. Mais c'était les gens le ressentaient de façon agressive, mais parce que voilà, c'était la première fois où je pouvais m'exprimer, où je pouvais. Du coup, voilà. Mais ça s'apprend après, voilà. Alors là, pour ceux qui nous écoutent, il y a plein de gens qui ont levé la main en faisant des signes d'approbation. Enfin, il y a Adèle, en tout cas. Quand tu parlais du problème d'identité, en étant vraiment utopiste, on pourrait essayer d'imaginer un monde idéal où c'est tout simplement tous humains, tous de nationalité terrienne, et puis et c'est tout quoi. C'est ça évite d'avoir, enfin c'est ça évite ce problème. Donc moi je suis français, je vais défendre ma nation française pour mes intérêts français par rapport aux le Sénégalais qui va défendre ses intérêts sénégalais. On est tous humains, on va défendre tous nos intérêts ensemble. Enfin, c'est vraiment utopiste. Tu retrouves un peu ça dans la... c'est pas vraiment une religion, mais dans le Rastafari. Le côté, on a tous le sang rouge, etc. Mais et ça, c'est un truc qu'on peut référer à Duke Pop. Une partie sur le Rastafari, c'est très très intéressant. Et concernant... enfin, à l'opposé de ma couleur de peau, je sais plein de choses là-dessus. Oui, Pierre, je rebondis sur ce que tu as dit, parce qu'effectivement, c'est vrai. Malheureusement, la campagne électorale aura pour fondement les problèmes des questions identitaires. Alors moi, je reviens rétrospectivement. Imagine-toi, le président Hollande avait eu cette malencontreuse idée de vouloir faire constitutionnaliser l'identité, tu te rends compte, dans la Constitution française. Tu imagines ce que ça aurait fait dans cette société, une fragmentation totale. Mais total et incommensurable, incommensurable. Venant d'un parti de gauche, c'est vraiment terrible d'entendre ça. Dit de gauche, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc je pense qu'effectivement, il faut survoler ces problèmes identitaires, hein, et mettre le débat sur un problème social, socio-économique. La pauvreté, par exemple, ici, les SDF, 1 sur 10 sont des gens diplômés de l'enseignement supérieur. Beaucoup de choses comme ça. Hein, des réalités que l'on vit au quotidien. Moi, je suis biochimiste et en même temps banquier à HSBC. Je le fus. Hein. Je connais la réalité économique qu'il y a ici. On essaie toujours de nous ramener à chaque fois à des valeurs qui sont sous-humaines, hein, sur-raciales, pour encore plus fragmenter cette société. Et je ne sais pas, je ne sais pour quel but. Alors finalement, les trois triptyques, liberté, égalité, fraternité, je n'en vois aucune qui correspond à la société française. Désolé de le dire. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ce qu'a dit Marcel. Effectivement, les problèmes identitaires sont mis en avant, justement, je pense, pour masquer ce qui va être l'essentiel dans la prochaine campagne. C'est le problème de la démocratie, ou plutôt de son absence. Et ça, ça va être vraiment... c'est là que ça va se jouer, et c'est ce qui va ressortir lourdement, malgré leurs efforts, pour faire glisser sur d'autres sujets secondaires, quelque part. Je rappelle juste qu'on est sur la société idéale. On n'est pas sur notre société à nous, mais... Il n'y a pas de souci, mais dans la société idéale, le point de vue de l'identité, etc., il n'y a aucun problème. Mais on va essayer de rester, entre guillemets, un peu dans l'utopisme et dans notre société qu'on veut pour demain. C'est le bouton. Ah, ok. Alors, je vais faire passer le micro là, et après, si tu veux nous parler du bouton. Du bouton, c'est ça? C'est quoi? Parce que pour moi, ça veut dire la mi-temps en sport, un truc comme ça. Hein? Point technique. Est-ce que tu acceptes le point technique sur le bouton? Et après, j'arrive vers toi, t'inquiète pas. Parce que je vois que tu t'es levé, donc... Il a cité le bouton parce que la pratique... Ouais, non, mais c'est un point technique sur le bouton. C'est parce que au Bhoutan, le dictateur du Bhoutan a refusé de pratiquer le PIB, produit intérieur brut, mais c'est le produit de bonheur brut. Parce que il y a un truc, t'as dit bonheur, enfin t'as dit dictateur avec bonheur dans la même phrase, et ça me fait un peu peur en fait. Donc ok. Mais je vous invite à en parler à Duke Pop, mais vraiment, vraiment un truc que sur ce sujet-là, moi je serais très intéressé là, tout d'un coup, vous avez attiré ma curiosité, parce que je connais pas beaucoup. Beaucoup très bien. Non, Oui, alors, contrairement à ce que dit Gilbert, je ne pense pas que la question... oui, contrairement à ce que tu dis, je ne pense pas que la démocratie soit le nœud de la campagne électorale qui arrive. Le nœud, c'est la question d'identité. Et c'est la droite qui a mis ça sur le tapis, c'est pas la gauche. Mais la gauche est coupable aussi d'avoir très mal traité la question. Donc, à Nuit Debout, on a toujours dit qu'on pratique ce qu'on raconte. Je veux le micro. Ici, on pratique ce qu'on raconte. Ça veut dire que moi, je connais des gens qui font de l'alphabétisation. Ça veut dire que c'est un travail très sérieux, assez difficile, mais où il y a... Tu m'emmerdes, hein. Mais c'est un travail qui est faisable. Donc, il y a Edwige qui a posé cette question avant moi, et je pense qu'on pourrait s'organiser pour décréter qu'il y a des séances d'alphabétisation sur la place de la République. Ok. Dans la société idéale, donc, il y a des séances d'alphabétisation sur la place de la République. Non, alors par contre, on va rester vraiment sur l'atelier, les enfants, s'il vous plaît. Vous avez la possibilité de vous trouver un petit coin de bâche si vous n'êtes pas d'accord et discuter entre vous. Mais on est vraiment sur la société idéale. Mais j'entends tout à fait ce que tu dis. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. T'es dans la société idéale. Si t'es dans la société idéale, vas-y. Vas-y, mon gars. Ah oui, alors je parlais de la société idéale selon mon point de vue. En tout cas, celle à laquelle moi, personnellement, j'aspire. J'aspire pas à la démocratie parce que ça me semble quelque part un peu une absurdité dans la mesure où la parole du fou vaut celle du sage. Mais oui, c'est nécessaire. Je pense que c'est une nécessité absolue. Là, oui, absolument. Mais néanmoins, ça me gêne quelque part. Et donc alors on pourrait dire on est pour l'aristocratie, c'est ce qui est le plus tentant, quelle histoire, les meilleurs, oui, mais encore reste à les désigner. Et donc pour essayer de faire un peu les deux, moi il me semble que l'objectif, la démocratie pour moi ne serait qu'un moyen, d'arriver à quelque chose que j'appellerais idéalement l'aristodémocratie. C'est-à-dire un peuple en bonne santé, prioritairement en très bonne santé, et bien éduqué, qui serait à même de choisir les personnes à mettre en place au poste qu'il faut, au moment où il le faut, tout simplement par l'intelligence collective. Oh, c'est un objectif, un rêve citoyen, rien d'autre, pour l'instant. Ok, merci. Alors, effectivement, je n'avais pas précisé, donc en plus de... On est embêtant, hein, mais quelle société veut-on ? On était dans le thème respect et confiance autrui en trait de proximité. On était dans le thème respect et confiance en autrui en trait de proximité. Mais c'est pas grave. Mais c'est juste pour revenir sur le début de la discussion. Et en fait, le respect et confiance, on est parti un peu sur la violence. Après, on est parti sur l'identité. Alors, c'est très intéressant. On a fait un chemin qui est assez incroyable. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait dit, on aurait parlé d'identité et de violence ici. Mais c'est très intéressant. Donc, est-ce que sur ces thèmes-là, est-ce que on a fait le tour ? D'accord. Je ne dis plus ton nom. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Oui, non, c'est pas... je voulais rebondir sur ce qu'a dit Pierre, pas tout à l'heure, mais encore avant, comme quoi ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Quand tu as parlé de l'aspect colonisateur, j'ai pensé hein, que tu allais venir vers quelque chose, mais en fait non. Donc ce que je pensais, c'est que tu t'allais parler de, notamment en France, mais dans différents pays d'Occident, qu'il y a eu aussi cette idée d'expansion d'une certaine culture au don d'un... universel, etc. Et que ça, du coup, ça produit certainement dans nos imaginaires une sorte d'identité forte à laquelle faudrait se raccrocher parce qu'elle a, je sais pas, une espèce des valeurs incroyables en dessous et qu'on aurait peur, du coup, que si on est capté par l'identité de l'autre, ce serait peut-être une identité de sauvage ou des choses comme ça. Je crois que ça reste assez profond dans les inconscients de beaucoup, peut-être d'ailleurs dans le mien, j'espère pas, mais je préfère me penser comme une grosse sauvage. Alors, du coup... Je me demandais si du coup vous étiez tous d'accord pour c'est pas pour faire un vote hein, c'est pour relancer le débat pour penser dans cette société idéale qu'il n'y ait pas d'identité parce que je me suis dit même dans les sociétés africaines par exemple enfin il y a des tribus il y a en Inde il y a des castes enfin il y a toujours un système d'identité mais par contre ce que je voudrais dire c'est ce n'est pas parce que ça n'a jamais existé que ça ne peut pas exister hein on est pas dans l'idée ça n'a jamais existé c'est pas possible mais est-ce que vous pensez et comment vous pensez une société qui serait absolument sans identité. Moi, ça m'interroge beaucoup, en fait. J'ai du mal à l'imaginer, donc voilà. Je vais commencer par les personnes qui n'ont pas parlé, et après, j'ai vu que vous deux, vous vouliez réagir, mais on a... Ah d'accord, ok, bah très bien. Ouais, je vais pas directement répondre à ta question, mais il y a différents points sur lesquels j'aurais aimé rebondir. La première étant celle que toi tu soulevais, qui était intéressante, je trouvais. Alors ça nous ramène, c'est pas un quart d'heure en arrière, mais la question entre confiance et indétermination ou certitude, parce que le mot, il me semble, hein, le mot confiance, ça vient de confé. Ça se rejoint du coup directement à la question de croyance. Et donc aujourd'hui, on vit dans une société où la science, en fin de compte, est en train de nous montrer qu'on fait n'importe quoi depuis 150 ans, 200 ans. C'est un peu ce que... C'est la dernière nouvelle qu'on a prise aujourd'hui, je vous le dis juste parce qu'il faut la faire tourner du coup. C'est que la NASA et la NOAA sont en train de dire que... Donc deux centres de recherche américains sont en train de dire que le réchauffement climatique est dorénavant irréversible. Voilà, ça c'est des preuves que tout le modèle qu'on a construit, et à la fois culturel, social, économique, c'est un peu n'importe quoi. Et on est en train de bousiller la planète. Bref... Pour revenir sur la question de l'identité, personnellement, effectivement, une société sans identité, c'est inconcevable. Mais la question, c'est comment est-ce que tu définis toi ton identité? Tu le définis par rapport à tes codes. Alors que, voilà, et la difficulté, c'est de ne pas le faire à l'encontre, enfin, contre l'autre. C'est-à-dire, voilà, en négatif, quoi. Par exemple, on dit souvent que, la culture française s'est définie un peu en opposition sur certains points à la culture allemande, notamment au 19e, etc. Et ça, c'est un gros problème. Le fait qu'on puisse trouver des valeurs universelles qui puissent être partagées, puisqu'on soulevait la question de l'universel, c'est une utopie pour le coup, pour moi. Parce que, le problème déjà, c'est que dans l'histoire du XXe siècle, au moins, nous montre bien que, en fin de compte, l'universel, ça a servi de paravent pour ce qui a été une uniformisation culturelle. En raison de la société marchande, et c'est des systèmes techniques quoi qui se mettent en place. On cherche pas du tout à épanouir les gens, évidemment, quand on commence par envahir le pays. L'identité, c'est une construction. Enfin, pour moi, c'est un fantôme, et faut juste le voir dans une dynamique d'évolution d'évolution. Faut pas biologiser ça entre guillemets. Mais faut le voir comme quelque chose en constante mutation. Mais l'identité, ça me semble pour autant indispensable. C'est-à-dire que si t'as pas un minimum de valeurs et de raccords sociaux, de référents sociaux auxquels tu puisses te rattacher, tu t'es dans une certaine forme de nihilisme. Et le problème de ça, c'est que très très vite, les gens, quand ils sont en perte de repères, et voilà, tout à l'heure on évoquait la question de ceux qui sont considérés comme fous. T'es complètement à la marge, et du coup ça peut donner lieu aux pires excès dans la société. Voilà. Ok. Alors attends, parce qu'on a un tour de parole, donc on a Bruno qui était parti mais qui revient, après on a madame et après toi. Mademoiselle. Madame, c'est quoi ton prénom de moi? Elle s'appelle Caroline. Okay. Ah, Caroline, dis-moi. Ils sont où tes parents, Caroline? Non, bon, bref. Moi, tu m'as oublié. Ah, mais je t'ai pas vu. Gilbert, tu vas être sur la liste du tour de parole. Hein. Mais t'es habillé en noir et t'es dans le noir, donc je te vois pas. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, tous humains, tous de nationalité terrienne, c'est pas forcément un abandon de l'identité de chacun, de chaque peuple. C'est simplement en opposition avec ce qu'il y avait dans le colonialisme où l'identité des peuples européens était très forte et ont colonisé l'Afrique, entre autres, parce qu'ils avaient une culture plus grande, plus belle, plus riche. Ils étaient supérieurs aux cultures africaines. Et donc dans cette idée de tous humains, tous nationalités terriennes, si chacun a son identité, toutes les identités se valent. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Donc, ce qui déjà ouvre une porte à la confiance, puisque quand il y en a un qui se prend supérieur à l'autre, il ne peut pas avoir confiance au plus faible. Et le plus faible ne peut pas faire confiance au plus fort. Donc, si on s'acceptait tous comme étant de même valeur, on ouvrirait la place à la confiance. Bon, alors, Madame Caroline, ça fait un peu Madame Claude, non, Madame Caroline? dans la question de l'identité, pour filer un peu ce que disait le camarade, peut-être qu'effectivement, il faut distinguer l'identité dans son sens civil de l'identité dans son sens individuel. D'ailleurs, tu disais, moi, je rêve qu'il n'y ait plus, dans une société utopique, qu'il n'y ait plus d'identité. Je pense que quand tu souhaites plus d'identité, enfin, et encore voilà, c'est peut-être qu'il faut qu'on se le définisse pour pouvoir avancer dans notre réflexion et notre propos. Qu'est-ce qu'on entend par identité ? Est-ce que c'est la carte d'identité, le titre de séjour, enfin, ce que tu veux ? Ou est-ce que c'est ce qui te fait, qui te constitue, ton éducation, ta culture et le parcours de vie que tu as eu ? Et partant de là, du coup, je pense qu'il y a deux postures différentes en fonction de l'identité de laquelle on parle. Bon, c'était pour revenir aux fous, mais les poètes, ils sont souvent considérés comme fous, ou enfin, et on est tous le fou de quelqu'un, ou le con de quelqu'un, ou comme ça, ça rassure. Ah, voilà, tu le passes à l'autre. Ouais, non. Caroline, Madame Caroline, a bien résumé la chose. Effectivement, il ne faut pas confondre l'identité personnelle qui est indispensable, autour de laquelle on se construit tout un chacun, et l'identité collective. Mais c'est pas. Je voulais rebondir sur ce que disait Pierre à propos de cette problématique prégnante. L'identité qui se présente lourdement dans les médias, lourdement entretenue. Et je pense, moi, contrairement à ce qu'il dit, que justement, ce problème identitaire, ou ce soi-disant problème identitaire, est là justement pour éviter de parler de l'essentiel. L'essentiel, aujourd'hui, me semble-t-il, la question démocratique est sur la place, lourdement sur la place, et... ça va être ce qui va mener, me semble-t-il, la campagne. Les choix qu'on a nous laissent assez dubitatifs. Presque on a envie de dire, de choix on n'en a pas. Donc ça ne nous convient pas, c'est pas ça la démocratie. Et j'espère en tout cas, moi, que ce sera le principal thème de la campagne. Que sommes-nous là-dedans ? Quel est notre pouvoir ? Gilbert, la campagne, c'est plus fort que toi. Là, on est dans la société idéale, je te rappelle. Mais t'es humain et il n'y a pas de souci. On avait Sébastien. On est super bien là, mais le temps passe. On a commencé à 20. On a encore à peu près un petit quart d'heure, allez. Ouais, non, c'était pas grand-chose. C'est juste... j'étais d'accord avec toi, Bruno. Et ça, je voulais même aller plus loin, en fait. Tu me diras ce que t'en penses, mais parce qu'en fait tu disais terrien, et du coup je vais me faire sûrement des amis antispécistes, mais en fait je voulais moi me dire plus comme être vivant, en fait, parce que je me dis terrien, on s'attache encore à un territoire, c'est certainement dû à une habitude, tu vois, on s'attache encore à un territoire, et du coup je vais aller encore très très loin. Dans 2000 ans, si on doit changer de planète, on va dire, ah, on est tous terriens et eux ils sont martiens, alors ils sont inférieurs, etc., tu vois. Ouais, mais voilà, et je pense qu'en disant déjà, dès maintenant, en disant par exemple, être vivant, c'est ma proposition, mais être vivant, je pense que ça dépasse encore ça, tu vois. Alors, on a juste 10 secondes. Gilbert, il veut rattraper son erreur et parler d'un truc utopiste dans la société idéale. Donc, on lui laisse une seconde chance, parce que dans la société idéale, on a tous droit à une seconde chance. Mais je suis le spécialiste pour gâcher les chances qu'on me donne. Donc ce que je voulais dire tout simplement, c'est que j'imagine pas une société idéale avec quelques personnes qui décident pour tout le monde. Ça, on est d'accord, et on l'a dit déjà, et c'est important de le dire. Alors moi, je voudrais juste rajouter une chose qu'avait dite l'ancien académicien et président sénégalais Senghor. Il disait que l'avenir était au métissage biologique et culturel. Moi, je rajouterais que le passé a été effectivement fruit d'un métissage culturel et biologique quand on se rend compte de la prééminence de l'origine de l'homme, à savoir Lucie. Hein. Moi, je trouve que finalement, quand même, le propos de Gilbert, il est pas si éloigné que ça du sujet. Il dit campagne, mais parlons démocratie. Voyons-le sous ce prisme-là. Et du coup, quelle démocratie dans quelle société ? Et la question que tu poses, peut-être elle interpelle. J'ai entendu parler de pouvoir d'agir, des sujets qui sont à la mode autour effectivement de cette notion de pouvoir d'agir des citoyens. Et puis des réflexions qui commencent à émerger sur la démocratie participative, ses limites. Parce que la limite de la démocratie participative, c'est de consulter les citoyens. Bon, mais peut-être qu'à un moment, ils en ont marre d'être consultés et de donner leur avis et qu'ils veulent décider. C'est complètement en rapport avec le... Mais... Société d'Alle. Mais je vous rappelle, on est sur le bien vivre ensemble. Vous m'avez feinté. Mais du coup, ça, on en a clairement... On en a déjà discuté ou on va en rediscuter? En fait, vous êtes en anticipation. Parce que ce point-là va être rediscuté. Effectivement, l'idée est déjà sortie, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, non. Pourquoi je dis ça, moi? Mais en tout cas, voilà. Est-ce que... S'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres choses à nous faire partager au micro? Toujours sur le bien-être ensemble? Ok. Pour en rajouter encore, je dirais, j'imagine pas non plus une société où, de violence. Et donc la violence aujourd'hui qui augmente notre société à tous les niveaux est préoccupante et on ferait bien de s'en préoccuper. Oui. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, Gilbert. C'était peut-être pas encore arrivé. Mais oui, justement, c'est bien d'en parler. Comment est-ce qu'on gérerait la violence dans cette société? Je pose les questions parce que vous faites des super réponses, là, vous me faites super... C'est génial. Ben, à mon avis, la première résistance qu'on pourrait opposer à la violence, c'est la refuser, tout simplement. Pas l'accepter. Il y a mille et une façons de la refuser. Non, pas l'anticiper. L'anticiper, c'est la prévoir et c'est... préparons la guerre pour avoir la paix. Non, c'est des conneries, ça. Il y en a assez, me semble-t-il, hein, selon mon point de vue. Non, il faut la refuser, tout simplement, sous toutes ses formes. Et à nous d'être ingénieux pour dire, pour faire qu'elle ne soit pas praticable. Voilà. Alors, attendez, s'il vous plaît. En fait, le but, c'est que chacun, s'il veut parler, lève la main, il y a un micro, il n'y a pas de souci, et on parle les uns après les autres. Mais c'est très intéressant. La question, comment refuser la violence? Bah déjà, si on arrête de mettre des millions dans des tanks, des boutons nucléaires et des machins, et qu'on arrête de montrer des guerres parce qu'on n'a plus de télé et que les médias ils sont faits autrement, déjà, il y aura peut-être une autre vision du monde et les gens seront un petit peu plus pacifiés. Et si, comme on le disait tout à l'heure, on avait... moins besoin de tous ces de ce côté matériel, etc. Et ben, on n'aurait plus besoin de voler quelqu'un pour s'acheter je ne sais quelle paire de chaussures ou je ne sais quoi. Ce serait peut-être de ne pas accepter la compétition dès le jeune âge pour nos enfants déjà et mettre aussi, comme je vous ai dit. Une goutte d'empathie dans l'éducation nationale et l'instruction nationale, hein, déjà ça c'est important. Et autre chose aussi, il y a l'équité aussi dans le partage des richesses, tout simplement. Parce que la violence, elle est quoi? Elle est le corollaire généralement des frustrations de diverses sortes, matérielles, financières, etc., etc. Donc si on ne résout pas ce problème et qu'on voit dans cette société à l'heure actuelle des écarts incommensurables entre les plus riches et les plus pauvres, mais c'est évident que cette société continuera toujours à être violente. C'est clair. Ok, donc réduire les écarts, etc. L'éducation, je te conseille d'écouter les ateliers qu'on a fait sur l'éducation, tu vois, c'est très très intéressant. Ouais, vas-y. Sur les ateliers éducation, j'y suis allée 3 fois et puis j'ai arrêté, parce qu'en fait c'était des ateliers école. Oui, ici, oui. Oui, j'y suis allée 3 fois et j'ai arrêté. Ah, d'accord, parce qu'il y a une commission éducation où je suis allée 3 fois. Et au bout de 3 fois, ils m'ont un petit peu énervée parce que dans la vie, je suis directrice d'une association d'éducation populaire. Et aller 3 fois à des ateliers d'éducation pour entendre parler d'école et essayer de dire, vous savez que les enfants, ils ne passent que 11% de leur temps à l'école. Le reste, ils sont dans le temps libre. Et qu'on me disait, ouais, et qu'on passe à autre chose, ça m'a un peu énervée. Donc, pour répéter ce que vient de dire Adèle, en fait, l'atelier, ça a été éducation populaire. Et en fait, on n'est pas prof, nous. Et alors, Je sais pas ce que font les copains de éducation debout, j'en sais rien du tout. Mais voilà, je te conseille d'aller sur debouteducationpopulaire.org et puis écouter ce qu'on a dit. Et après tu reviens nous voir et tu nous engueules si c'est pas bien. Ah, c'est déjà téléchargé, ça c'est magnifique. Ah, alors un grand merci alors. Attends, c'est dingue. Vive la nouvelle technologie, enfin pas trop hein, mais. Alors, est-ce que quelqu'un est toujours, a des idées là sur. Voilà, je sais pas pourquoi je pose la question, est-ce que je sais que toujours quelqu'un a des idées ? Ouais, je vais approfondir les questions en posant d'autres questions. Donc, on dit arrêter la violence. Là, on a parlé plutôt des violences donc, liées aux inégalités, etc. Et moi, je pensais mais, tout simplement. Mais je sais pas en fait. Mais moi, je suis en train de me contredire toute seule dans ma tête. C'est parce que tu as dit s'il n'y avait pas en effet tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Toute cette compétition et tout, il y aurait beaucoup beaucoup moins de violence. Après, il y a aussi est-ce que toutes les formes de violence sont forcément liées aux inégalités ? Est-ce qu'il n'y a pas juste la ouais non en fait non bah non. Merci. Alors vous êtes témoin, nous avons un truc qui est très très rare avec du pop, c'est-à-dire qu'Adèle s'est arrêtée par elle-même. Et rien que pour ça, je suis content de passer cette soirée ici. Parce que c'est une grande première, on va pas l'applaudir quand même. Non, du coup je sais plus qui voulait parler, excusez-moi. Bruno. Pour répondre à ta question, donc toutes les violences ne sont pas dues à des inégalités. Il y a aussi la violence peut être aussi liée à l'incapacité à communiquer. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me faire comprendre, du coup je m'énerve. Et tant qu'à s'énerver, ça peut aller beaucoup plus loin. Et du coup, je me suis arrêtée parce que je me suis dit que ça on l'avait déjà traité aussi. C'est ça que j'ai pensé, mais je me suis dit, ah, bah, en fait ça aussi on l'a traité, donc en fait on a voilà. Je voulais revenir sur la violence et ce que l'on ressent comme violent, c'est pas toujours évident. L'identité peut être le cas. L'identité, il peut être fait violence par négation de l'identité. Et il peut être fait violence également par, sa mise en exergue de l'identité. Donc c'est vraiment pas des problèmes faciles à régler. Oui, effectivement. Mais rassurez-vous, on y reviendra hein, sur les moyens, comment mettre en place tout ce qu'on est en train de dire là. Donc, on va passer au dernier point sur le bien vivre ensemble qu'on avait. Oula, il y a un monsieur qui rampe. Que se passe-t-il ? C'est Jeff. Il va préparer un atelier bizarroïde encore. Donc on vous invite dimanche prochain à venir avec nous au milieu de la place sur un atelier qui s'appellera Apprendre à se connaître et à faire ensemble. Et le troubillon qui est en dessous de moi, il va faire quelques trucs assez marrants avec nous. Et donc du coup, on va revenir sur le dernier point de l'atelier, ce qui était sorti donc des propositions des gens. Alors c'est des choses qu'on a, je pense, déjà un peu vues, mais qui peut-être qu'on peut approfondir, c'est... Bruno, donc, je suis en mode prof, non, je déconne, je suis en mode d'éducation debout. Alors, du coup, c'est solidarité, prévalence du droit sur la finance. Ah, et ça, on ne l'a pas encore fait. Donc là, vous pouvez vous lâcher parce qu'on ne l'a pas encore vu et on le voit là tout de suite. Vas-y. Parole d'un ancien banquier d'HSBC. La finance n'a pas de limite, elle n'a pas de droit. En tant qu'actuellement employé de banque, je confirme. Alors, sur CETA TAFTA. Mais dans le monde idéal, il n'y a pas CETA TAFTA. Mais après, tu pourras t'exprimer à la fin si tu veux faire une annonce. On a aussi des infos sur Notre-Dame-des-Landes, enfin il y a 40 millions d'infos en ce moment, puisqu'il se passe 40 millions de choses. Donc voilà, solidarité, prévalence du droit sur la finance, est-ce que ça inspire quelqu'un ? Dans une société idéale, ouais. Ouais, ça. Non, bah pour moi c'est en fait c'est un truc qui va de, enfin comme tu l'as dit, ça va de soi quoi. Enfin dans le monde idéal, la finance en fait on n'aura pas forcément besoin de s'en préoccuper quoi. On s'en foutra d'ailleurs, je pense. Ça n'existera plus. Donc effectivement, le droit et la solidarité sera au-dessus de la finance quoi. Donc je sais pas si. Ok. Excuse-moi Adèle, contrairement à ce que prétend le système actuel, ce qui a permis à l'humanité de perdurer dans le temps, c'est sûrement pas l'affrontement individuel, mais la solidarité qui est toujours présente lorsque l'humanité est en difficulté. Et je pense qu'aujourd'hui c'est le cas, nous sommes vraiment en difficulté, nous sommes plus globales que jamais, et donc je pense que la solidarité va prendre le pas, je l'espère en tout cas. Si ça paraît évident qu'effectivement il n'y a pas cette prédominance de la finance sur le reste, on peut quand même se demander, dans un monde idéal, à quoi devrait servir et qu'est-ce que devrait servir la finance. On peut aussi se demander si la finance, détournée de ce qu'elle est aujourd'hui, par exemple, par rapport à la couverture sociale, au traitement des retraites, par exemple, ça paraît évident que quelque part, la spéculation, si elle était dédiée essentiellement à financer ce genre de choses, je sais pas, je dis n'importe quoi, quoi. À quoi et comment pourrait-on se servir de ça, quoi, dans un monde idéal, ouais. Merci Jeff, très intéressant. À quoi servirait la finance du coup? Du coup, peut-être que c'est pas la question de la finance qu'il faut poser, c'est la question de quel modèle socio-économique dans un monde idéal. Bah, j'ai juste une. En reprenant les trois mots, hein, solidarité, droit et finance, dans un monde idéal, la finance sert à financer la solidarité. Donc à chacun son petit mot sur la finance et le monde idéal. Voilà, du coup, moi, je remplacerai la finance par l'argent. Et ce qu'il représente, pour moi, c'est un peu une énergie, comme l'énergie électrique. Et la finance du futur, pour moi, ne serait que des câbles permettant de faire ces transmissions et rien d'autre, et sûrement pas un moyen de s'enrichir. Alors, je vais juste donner le micro au monsieur qui est là-bas, qui l'a demandé depuis un petit moment, et après, tu feras ton opposition pas si radicale que ça. Hop, je viens jusqu'à toi. Voilà, moi, je voulais juste dire que je pense que la finance, en fait, c'est juste un instrument démoniaque pour asservir l'humanité. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de la finance pour vivre. Tout simplement, la finance, on transforme ce que la planète a en ressources naturelles, on les transforme en billets, on les transforme en diamants, en or, tout ça, on les garde dans des coffres forts, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune valeur, ça sert à rien. Donc voilà, il faut tout partager la terre entre les gens, et il faut que les gens aient tous à manger, et les gens aient tous la même droit d'expression et la même droit de regard sur les choses qui évoluent dans la société. Mais la finance par elle-même, ça sert strictement à rien. Merci. Alors, ça tombe bien parce que c'est effectivement justement dans cette idée d'opposition plus ou moins radicale, comme on disait. Et je précisais sur Gilbert qui parlait d'argent. Je suis pas sûr que la finance ait quelque chose à faire avec l'argent. Je me demande si on a effectivement besoin d'argent dans une société idéale. Par contre, la finance, est-ce que c'est pas la gestion d'un flux économique, des ressources, des biens partagés et tout ça, quoi? Est-ce que c'est pas aussi techniquement une manière de gérer cette chose qui se fait tu vois, ça se fait sur notre dos pour l'instant, mais ça se fait, donc comment ça se... Vous comprenez ce que je veux dire? Non, ça ne veut rien dire. Enfin, en tout cas, une société sans argent, mais peut-être que la finance veut dire quelque chose quand même, non? C'est sûr que ça veut dire quelque chose, hein, finance et financier. Financier, ça veut dire... Alors, on va préciser. Financier veut dire des fonds qu'on met à disposition pour un projet. En l'occurrence, des fonds privés. Bien entendu, à la poubelle. Dans le monde idéal, à la poubelle. Et donc, quand je parle d'argent, je parle tout simplement d'un système d'échange qui permette de réguler le flux des échanges. On ne va pas porter une montagne de poulets contre un ordinateur. C'est stupide, bien entendu, il faut un système d'échange. C'est tout ce dont je parle. Après, on y met le mot que l'on veut. Le concept, il est très simple. Donc, pour revenir à la finance, pour moi, elle devrait tout simplement disparaître et être remplacée par, je répète encore, je compare à l'électricité, une énergie, et forcément, c'est une énergie. Et donc, cette énergie des câbles permet de transporter d'un point à un autre. Voilà, ce devrait être à peu près ça, mon concept de la finance du futur. La finance, pour faire des profits, bien entendu, doit disparaître. Le métier de banquier, ce n'est pas un métier, c'est une escroquerie. Soyons clairs. Donc, tout ça, la poubelle. Merci. Je vais perdre mon emploi grâce à toi, je t'aime. Non, en fait, ouais, y a dans le monde idéal, effectivement, la finance, pour moi, elle a plus sa place, en tout cas, dans telle qu'on la nomme actuellement. Et c'est vrai que, bon, j'en ai déjà parlé longuement ici, mais moi, je milite pour la sociabilisation des banques et la nationalisation des banques, et pour qu'on revienne à ce qu'on devait faire, ce que devrait être une banque dès le départ, et ce qui a été détourné, malheureusement, par le capitalisme. Mais ça, c'est plus pour les... Voilà, je suis le moins dans l'utopie, pour le coup, et je fais une digression, moi aussi, un peu sur le sujet. Et c'est un thème qu'on n'a pas encore abordé, qu'on va aborder, notamment, sur le point économique, sur la société idéale, sur le point économique, on va en reparler. Donc Jeff, tu auras le temps de réfléchir et de mûrir le truc et de revenir nous en parler quand on voulu. Je ne sais pas quelle heure il est, je pense qu'on est à peu près dans le temps. Donc on va conclure. Déjà merci d'être venu malgré le beau temps sur Paris ce soir. Merci d'être là. Juste pour vous dire, donc on est là à Éducation Populaire de 15h à 19h demain. Il y a les copains qui vont mettre des bâches à partir de 14h ici sur la place. Donc même s'il pleut, il y aura des bâches, donc vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. On sera alors par contre pour les habitués, en fait, le week-end, il y a les jeux avec les enfants, avec la mairie de Paris, et là ils vont prendre quasiment toute la place, donc on sera peut-être un peu plus de l'autre côté de la place. Faudra entre guillemets nous chercher, mais avec les badges vous allez nous trouver très très facilement. S'il plaît, je sais pas s'ils sont là. Bon, dans tous les cas, cherchez les badges, on y sera. On verra. Dimanche, donc, atelier de 15h à 19h sur apprendre à se connaître et à faire ensemble. Donc c'est ouvert à tous. Je vous en dis pas plus, mais ça va être génialissime normalement. Nous, on se donne rendez-vous pour le prochain atelier, on vous dira le thème, etc., pour vendredi. Tu voulais parler vite fait sur CETA TAFTA ? Si je peux te conclure, comme ça tu peux donner les informations, puisque tu nous as fait une petite animation là tout à l'heure sur la place. Et voilà, si tu veux dire en quelques mots, merci. Oui, j'ai expérimenté sur la place tout à l'heure avec un camarade. Le crieur, quoi, voilà. Ça peut servir dans d'autres cas. Je le dis comme ça au hasard. C'est peut-être une fonction que je peux développer. Enfin bon. En tout cas, j'ai fait ça. Alors moi, je suis pas très pointu sur exactement le CETA. J'ai essayé de dire des bêtises, mais ce que j'ai compris donc du CETA, c'est que un accord d'échanges économiques justement privés d'une certaine manière est en train de se mettre en place entre l'Europe et le Canada, et que ça va régir ça va réglementer un certain nombre de fonctionnements qui mettent en avant justement la primauté de l'économique sur l'humain, quoi. à tous les niveaux. Par exemple, c'est la remise en cause de tous les droits sociaux ou de toutes les avancées sociales. Je donne l'exemple. En ce moment, ça permet à une entreprise d'attaquer le gouvernement égyptien parce qu'il envisage de mettre en place un revenu minimum, et que donc ça entame les profits de certaines entreprises là-bas qui tout d'un coup se retrouvent. Voilà. Donc ça, c'est aussi la disparition d'un tiers des AOP, c'est-à-dire que toutes les défenses des produits locaux faits artisanalement selon des techniques est complètement remis en cause là-dedans. On peut faire du camembert n'importe où on nie complètement le travail artisanal du monde entier, enfin bon, à tous les niveaux. C'est la main mise sur beaucoup de thèmes, beaucoup de la santé, l'éducation, tout ça, une privatisation de tout ça qui fait que les entreprises, par l'intermédiaire de tribunaux privés, qui vont trancher et qui vont arbitrer et qui vont avoir le droit d'être plus fort qu'un arbitrage gouvernemental ou qu'un pays, va permettre de, comment on dit, va permettre d'asseoir, oui, effectivement, des monopoles, mais de remettre en question les droits sociaux, la manière de faire et les cultures, et de faire du profit sur tous ces éléments-là. Donc, le 18 octobre passe à la Commission européenne ce projet de CETA. L'autre petit problème, c'est qu'on nous présente le CETA comme finalement moins grave, parce que c'est juste avec le Canada, et qu'en réalité se cache derrière... Vas-y, si tu pourras compléter, peut-être je dis des bêtises, tu sais mieux. Et se cache derrière le TAFTA, qui est la même chose, en réalité, même si on nous dit que c'est différent, avec les États-Unis et avec le grand marché mondial. Tu devrais peut-être préciser, ce sera peut-être plus pointu que moi. Juste en deux mots, par exemple, avec le TAFTA CETA, on pourrait avoir, jusqu'à présent, on s'oppose vachement aux OGM, et ça pourrait arriver en France. Et sur le gaz de schiste aussi, c'est pareil, il y a une grande résistance, et ce truc-là permettrait de le faire. C'est très très important. Par contre, ce que t'as pas dit, c'est qu'il y a une manifestation, Jeff. C'est ça que je m'attendais à ce que tu dises aussi. La manifestation le 15, c'est ça? Le 15, rappelez-moi l'heure, à partir de quand? Ok. Bruno, je te donne, et après, dès que t'as les infos, on te donne le micro. Sur le CETA, sans parler du TAFTA, il y a déjà un petit piège qui se cache derrière le CETA, c'est que les États-Unis ont déjà un accord de libre-échange avec le Canada. Donc une société américaine implantée au Canada pourra, par le biais du CETA, bénéficier de toute la mécanique du libre-échange canadienne avec l'Europe. Entre autres, la possibilité de s'implanter en France en utilisant la législation américaine. Super! Ah, il faut aussi dire que ça se fait dans une opacité la plus totale. C'est-à-dire que c'est traité au niveau de l'Union européenne. On n'a pas droit aux archives, on n'a droit à rien. Donc c'est vraiment supranational, c'est supranational et c'est hyper dangereux parce que ça veut dire ça donne la prééminence finalement des multinationales face finalement aux états de droit. Donc c'est grave. Dans le cadre du TAFTA qui suit derrière, il y a une clause qui précise que les négociations doivent rester secrètes. Ouais. Tu voulais parler avant de partir? Ouais, du coup, alors ça part à 15h30 de Stalingrad pour arriver à 18h en République. Il y a donc des cortèges pour l'instant agriculture, démocratie et climat. Et voilà, donc il va y avoir pas mal d'ONG aussi. Et donc ils ont déposé a priori après sur la place. L'occupation, et voilà, je sais pas trop jusqu'à quelle heure en revanche. C'est attaque, ouais, il y a attaque, mais il y a sans doute, bon, il y a Alternativa aussi, je crois, alors peut-être pas en déclarant, mais et puis les Amis de la Terre qui vont suivre dans les cortèges, enfin c'est assez évident quoi. Ok, et donc on sera, nous on soutient dans la manifestation, et on sera avec sur la place avec les copains d'attaque. Seb, dernière info sur la journée de la misère, hein, c'est ça? Alors tout simplement, le 14, 15, 16, Place de la République, en fait, on organise Nuit Debout, Convergence des Luttes, à venir par rapport au feu de la misère. et à 14h, place au parvis du Trocadéro pour la cérémonie directe, sauf que moi j'annoncerai bouche à bouche, hein, bien sûr, le reste. Parce qu'il y a un petit, y a des petits secrets qui se prévoient. Merci. Ok, bah écoutez, merci à tous. Rentrez bien sur ce très beau temps parisien. On se dit à demain, ne vous laissez pas décourager par la pluie surtout. Vous voyez, on bâche tout nous. Merci beaucoup.